Et oui, bienvenue! Bienvenue dans ce tout nouveau numéro du podcast Pourquoi Buffy c'est génial. Podcast évidemment complètement exceptionnel, puisque hors série, dans lequel on ne va absolument pas parler de Buffy, enfin un peu, quoique, un petit peu quand on même. On va forcément parler un peu. Puisqu'on fait un hors série sur la série Charmed. Alors je crois qu'on dit Charmed. Charmed, effectivement, Charmed. En bon français. Série qu'on avait l'habitude de moquer hein, dans ce podcast, c'est pour ça qu'elle est généralement bannie hein, du chat. On vient de découvrir que c'était banni du chat Twitch. Donc, on l'a banni il y a quelques mois et on a oublié. Sur le chat, faites attention quand vous tapez des mots, parce que ce mot, donc le sujet du podcast de ce soir, est donc banni. On écoutait... Il est tabou. c'est quand même... On innove quand même, on fait un podcast sur un sujet tabou. Vas-y. On ose tout. Je vous rappelle le morceau qu'on écoutait en générique début. C'était le morceau « How Soon Is Now ?» donc morceau des Smiths normalement, mais là c'est une reprise des Love Spit Love, donc qui servait de générique début à la série Charmed. Hein, c'est bien ça, Mallory, notre experte. Experte qui savait pas qui avait repris ce générique. Donc t'as plus de connaissances que moi et finalement. Et maintenant, bien bossé. Grâce à Google, tu le sais. Oui, donc moi je suis bien évidemment Sartman, spécialiste sartois de Buffy contre les vampires. Je suis accompagné pour parler de Charmed, que je ne connais absolument pas. Je suis accompagné de Riley, qui connaît très bien la série. C'est ma série fétiche, tout simplement. Bonsoir Sartman, bonsoir Mallory, bonsoir à tous. Bonsoir. Et il y a Mallory également. Mallory, toi, en vrai, tu connais bien la série. Moi, je connais bien la série parce que je l'ai beaucoup regardée quand j'étais ado. Alors, depuis que je suis une adulte responsable, je ne la regarde plus. Mais elle a quand même, vous ne le voyez pas, mais elle a un tatouage. Évidemment, en l'honneur de Charmed. Mais moi, je connais plutôt bien la série. Pas la fin, mais je connais plutôt bien la série. Et voilà, et on va essayer de décortiquer, hein, comme on le fait d'habitude avec Buffy, on va essayer de vous parler correctement de cette série et vous expliquer pourquoi certains d'entre nous l'aiment, d'autres ne l'aiment pas. Mais on va analyser tout ça, vous allez voir, ça va être passionnant. Un petit détail, de quoi cette BO qu'on écoutait, Love, Spit Love, qui nous chante How Soon Is Now, c'était déjà la BO d'un film de sorcière hein, sorti 2 ans plus tôt. Dangereuse Alliance. Dangereuse Alliance. Ah, c'était ça le titre français, j'avais oublié. Avec Neve Campbell. Alors, c'était un super film, ça, on est d'accord. Il était cool. Certainement, tu vieillis. Mais c'est un film pour ados, en fait. Oui, oui. C'est un film pour ados, mais il est sympa quand on est ado. Mais clairement, peut-être c'est l'inspiration principale de, je pense, de Charmed. Ah, bah, de ouf, c'est le même générique, bien sûr. Qu'est-ce qu'on peut raconter d'autre? Pourquoi, oui, voilà, pourquoi est-ce qu'on fait cet épisode hors série? Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de hors série. On le fait parce qu'on vous raconte tout. Nous avons participé il y a quelques mois à une soirée caritative, là, j'avais oublié le mot, une soirée caritative qui s'appelait Buffy versus Charmed. Évidemment, il y a un concours entre les deux séries. Évidemment, on a gagné. Une soirée donc caritative qui avait pour but de récolter de l'argent pour l'association La Cloche qui vient en aide aux sans-abri. Et il y avait un lot qu'on avait mis en vente. En pensant que personne n'allait le prendre. On est d'accord. On se disait que c'était un peu beaucoup. Et si, il a été acheté. Donc ce lot, c'était donc en échange d'un don fait à l'association La Cloche, on s'engageait à faire un hors-série sur Charmed. Et ce lot a été fait. Mais c'est une très bonne nouvelle, vu que c'est très bien qu'il y ait de l'argent. C'est pour la bonne cause. Pour La Cloche, c'est pour, c'est la, bonne ça pour la bonne cause. Et donc en contrepartie, nous faisons donc cet épisode hors-série. On est en live évidemment sur Twitch, comme d'habitude. Bien Twitch sûr. .tv/pourquoibuffy. Un sommaire peut-être, de quoi on va parler aujourd'hui? Il y a Sam sur le chat là, c'est elle qui avait organisé la soirée caritative. Oui, Buffy, ça, bien sûr. Elle est là, Sam. Sam est là. On ne l'entend pas. On va parler de Sam très bientôt, on va lui faire des gros bisous, je pense. Peut-être. Le sommaire de l'émission, donc on va parler de Charmed, ça vous avez compris. Alors, on va commencer comme d'habitude avec notre rubrique habituelle, les gros bisous, la meilleure rubrique. On remercie tous les fans de Buffy et du podcast. Ensuite, on passe dans le vif du sujet avec le commentaire audio de l'épisode 19 de la première saison de Charmed, qui s'appelle Out of Sight. Ok. En français, Innocence perdue. Ce sera l'occasion de revenir en détail, plus ou moins grâce à Mallory, sur la série Charmed, les actrices, les nombreux défauts de cette série injustement comparée à Buffy contre les vampires. Et en toute objectivité. Les 2-3 qualités. On parlera de magie, de mauvais acting, d'écriture et de mise en scène bâclée, des codes de soap opéra, etc., etc. Non, mais en vrai, il y a des choses à dire. Et on, comme c'est un hors-série, il n'y aura pas les dernières rubriques habituelles, mais on fera tout de même une petite conclusion et on vous recommandera des œuvres sur les sorcières bien plus respectables que Charmed. Respectable, carrément. Alors, je découvre ce que j'ai écrit en live. T'étais en transe, en fait. Il est les propos de Riley n'engagent que lui. On est d'accord. Bien évidemment. Évidemment. Je vous rappelle le principe du podcast. Nous faisons des commentaires audio d'un épisode de Charmed aujourd'hui et que nous regardons en direct pour mieux comprendre la série et essayer de l'apprécier. À sa juste valeur. Le podcast est un peu partout sur les internets, mais si jamais il n'est pas sur votre appli de podcast, vous nous dites, et on essaiera d'y remédier. Vous pouvez aussi retrouver une version vidéo sur YouTube, et vous pouvez nous retrouver en passant par notre partenaire Buffy Angel Show, et on vous rappelle l'adresse de notre blog où il y a tous les liens, pourquoibuffycestgenial.wordpress.com, tout attaché, sans accent. Immédiatement, je pense qu'il faut passer à la rubrique des gros bisous. Ouais, bonjour le chat, on l'a déjà dit, on va faire des gros bisous au chat. Hein, allez, jingle. Timmy's down the bloody well, and if you make me miss it, I'll do what? Lick me to death? This is a time of celebration, so sit still and be quiet. Is everyone here very stoned? I love you, Xander. I'll never leave you. I'm the one who sleeps with you and feeds you, bathes you. Yeah. I see her and raise you a yeah. She bathes you? Nothing can defeat the penis! Ah, un bug. Oui, des gros bisous. Ça va être très rapide aujourd'hui. Donc, comme on vous l'a dit, ce podcast n'existerait pas sans Samantha et sa maman qui ont donc payé. Tout simplement. De leur denier fait un don à l'association La Cloche pour aider les sans-abri et grâce à elle nous faisons ce podcast, donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de La Cloche et à aider vous aussi. On fait aussi bien sûr un gros bisou aux fans de Charm qui nous écoutent, parce que peut-être on ne sait pas, normalement c'est les fans de Buffy qui nous écoutent, mais peut-être oui, il y a des fans de Charm qui débarquent, qui ne savent pas et tout. Bienvenue, vous allez voir, on va commenter un épisode de Charm et vous allez voir, ça va être super. Ça va être passionnant. On va essayer de pas être trop méchant quand même. Est-ce que vous avez des gros bisous, Riley et Mallory? Moi j'ai un gros bisou à faire à Kairis, c'est un fidèle auditeur de Pourquoi Buffy c'est génial. Oula, qui est fan de Charm. Il est pas là d'ailleurs. Kairis n'est pas là, mais il nous a fait parvenir il y a quelques années une parodie qu'il avait enregistré de nous en train de faire Pourquoi Charm c'est génial. Oh la vache. Il avait fait une sorte de micro-parodie, c'était assez drôle, qu'il avait envoyé que à nous et tout. Et maintenant, ça y est, on est devenu. On fait un podcast sur Charm. Oh, c'est méta. On c'est est devenu nos propres parodies. C'est. Il est bientôt temps ça, d'arrêter, je pense. Ouais, c'est le signe de. En général, c'est la fin vers là. C'est la fin. On est pas. Pourtant, on a commenté. C'est le milieu, hein. Mais. Ouais, mais un gros bisou, Kairis. Gros bisou. Alors, tout de suite, passons à l'épisode du jour. C'est parti. Cowboy guy. I am the Dark Lord of Nightmares. Ooh, gang, did you hear that? A bonus day of class plus Cordelia. Mixing a little rectal surgery and it's my best day ever. Stop touching my magic bone. What do we do if it doesn't work? Kill us both, Spock. I swear, one of these times, you're gonna wake up in a coma. Wake up in a... Oh, never mind. Oui, alors l'épisode du jour, on va vous parler, comme tu l'as dit, Riley, de... J'ai oublié déjà. The Charmed. Out of Sight, épisode 19 de la première saison. Oh, mais avant, très très bon spot. Mais avant, il faut qu'on présente la série, évidemment. Par qui est-elle créée, cette série? Pourquoi? Comment? Et là, je fais appel à vos talents, parce que je n'ai fait aucune recherche. Vos talents d'enquêteur, bien sûr. Heureusement que Riley enquête comme personne. J'enquête sur les internets, évidemment. Alors, c'est une série créée par Constance M. Burge. Donc, une femme qui était créatrice et showrunneuse de la série pendant 2 saisons seulement avant de se faire virer. Ah ouais. Enfin, je sais pas trop comment ça s'est terminé cette histoire. Et ça finit entre couilles. Et puisque après c'est. Non, parce que ça a été repris par un certain Kern, j'ai noté que son nom de famille, je suis terrible. Constance M. Burge qui a créé la série, pourquoi on se le demande. Comment? Grâce à Aaron Spelling, célèbre producteur de soap des années 90 pour ados, vous vous rappelez? Ouais. Beverly Hills, mais ouais. Melrose Place, c'était. Tout ce que j'adorais. C'était Aaron Spelling avec sa fille Tori Spelling, qui était connu à l'époque, il faisait jouer sa fille dans les séries. Et il a même fait 7 à la maison. Vous connaissez, vous vous rappelez de cette série, 7 à la maison? C'était lui aussi qui était derrière tout ça. Seven Heaven. Et dans les années 80, c'était lui qui était derrière le soap opéra Dynasty. Ah non, mais j'ai regardé sa filmo, c'est n'importe quoi. Il y a 1 milliard de séries. Ouais, non, et Aaron Spelling, un peu partout. Spécialiste du soap. Et donc, Kern était embauché déjà dès le début de la série, dès le pilote, et il a repris la place de la créatrice finalement, et est devenu producteur exécutif au bout de 2 saisons. La créatrice de la série, elle a été frustrée après les 2 saisons que les directions des intrigues ne lui convenaient pas en fait. C'est vraiment cas typique de série américaine où le créateur est là au début, et perd totalement la main sur le projet, en fait, à faute au producteur. En plus, on peut se douter que Aaron Spelling était très... Peut-être qu'elle voulait pas que tout tourne autour de leurs histoires d'amour sans cesse. Peut-être c'est ça. En tout cas, elle a considéré que sa série et son projet de base avait été un peu dénaturé. Ouais. Et elle a donc quitté le poste de showrunner. Bien joué. Elle est tout de même restée sur Charm en tant que consultante exécutive jusqu'à la 4e saison. Consultante, entre guillemets, c'est vraiment une mise au placard, je pense. Mm-hmm. Voilà, elle a continué sur de nombreuses séries après et elle a eu un autre succès, une série qui s'appelle Royal Pains, que j'ai pas vu, je sais pas si ça vous dit quelque chose. Voilà pour les créateurs de la série, Sartman. On peut faire aussi un petit pitch de la série, non ? Ah bah moi ça m'intéresse, vu que je le répète, je ne connais absolument pas cette série. Moi à l'époque, effectivement, de la diffusion sur M6, très joli du samedi, tout ça, j'avoue que je passais à côté, je ne regardais pas. Donc oui, pitch-moi la série. Donc la série, ça nous parle de trois sœurs qui découvrent qu'elles sont les descendantes d'une grande lignée de puissantes sorcières. Grâce au livre des ombres, c'est ça le nom. Ça. Elles vont du coup affronter des démons, des sorciers et les forces du mal dans la ville de San Francisco. Donc une ville, contrairement à Buffy, une ville qui existe vraiment. Tout à fait. Et ils vont vachement jouer dessus, on le verra dans l'épisode, mais il y a souvent, même tous les épisodes, il y a des plans de San Francisco avec ses rues en pente, le fameux pont de San Francisco qui revient, il l'exploite à 100%. Hein, la ville est mise en scène. Ouais. La ville est mise en scène, contrairement à Sunnydale dans Buffy qui est assez... anecdotique. Même si a priori c'était pas tourné à San Francisco, c'était tourné à Los Angeles, mais oui, on joue le côté San Francisco. Donc entre magie, vie personnelle et destin familial, elles vont faire de leur lien une grande force, mais on va découvrir évidemment qu'il y a un lourd prix à payer pour ces sorcières de San Francisco. Oula. Il y a des moments assez tristes. Ah carrément, d'accord. C'est terriblement triste. Moi j'ai déjà la larme à l'œil. Oh la vache. Et voilà, à peu près pour le pitch. J'ai fait un pitch sérieux en plus. Bravo. Mes potes, regardez pour Alyssa Milano, dit Fourmi Queen. J'en fais partie. Il y avait un truc côté comme très, ça. Au début, attiré public masculin avec au des début, des je filles, pense quoi. Que ça, voilà. C'était pas ça. Et en fait, au fur et à mesure, plus la série avançait, plus ils ont fait en sorte de les foutre à moitié à poil. Ouais, long, notamment je pense, Alyssa pour attirer, Milano. Ouais, attirer un public. Rose McGowan aussi, pas mal. Hein. Oui, mais elle arrive plus tard. C'est oui, ses, mais ses à l'époque de Pou, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas tout ce truc. Sexualisé, sexualisation des personnages. Donc voilà, moi je suis pas un gros pervers, donc c'est pour ça que je ne regardais exactement, pas. Exactement, contrairement à Riley, qui est vraiment gros dégueulasse, quoi. Pardon, j'aime beaucoup la magie aussi, donc. Et je suis fan de San Francisco. Voilà. La magie. La magie de Alyssa Milano, évidemment. Donc ce soir, on va parler de l'épisode 18, c'est ça, hein, de la saison 19 1. Même. Hein, 19. Il est pas en phase, hein. C'est pas du tout. J'ai écrit n'importe quoi sur mon conducteur. Épisode 19 de la saison 1, diffusé pour la première fois le 5 mai 1999, qui s'appelle Out of Sight. L'épisode est écrit par Tony Blake et Paul Jackson, et réalisé par Craig Zisk. C'est rigolo comme nom. Craigslist. Comme Craigslist, mais Craigslist. Qu'ils ont ces gens ? Est-ce que vous avez des infos sur ces gens ? J'ai enquêté une fois de plus. Oh, l'enquêteur incroyable. Moi, j'ai rien fait. Déjà, je crois qu'on dit Greg Zick, parce qu'il est très, très. C'est un mélomane. Donc, voilà, sachez-le. C'est un vrai mélomane. Mallory est placé de fou. c'est un réal qui a officié sur des dizaines de séries, même encore aujourd'hui, figurez-vous. En fait, cet épisode de Charm, c'est au début de sa carrière de réalisateur. Il sévit encore. Oui, il a réalisé des épisodes de Preacher, de Fear the Walking Dead, de Agent Carter, de Timeless. Un vrai artisan de la télé américaine. Comme il y a beaucoup, souvent dans Buffy, on retrouve aussi des réalisateurs qui font plein de séries, en fait, qui sont pas attachés à une série en soi. C'est vraiment des... J'allais dire des mercenaires, mais... Bon, des tâcherons. Bah, j'ai pas dit que c'était des tâcherons. C'est pas vraiment le même mot, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, ils officient sur plein de séries US. Et c'est le cas aussi pour les deux scénaristes, Tony Blake et Paul Jackson, qui ont écrit que 3 ou 4 épisodes de Charmed, et qui ont fait plein d'épisodes dans les années 90, d'épisodes de séries cultes, hein, notamment Lois et Clark, Le Caméléon, Le Rebelle. C'est pour une momo, et même ça. Sliders. Ils ont écrit des épisodes de Sliders. Et c'est souvent le cas pour les premières saisons de ces séries américaines. Il n'y a pas de pool de scénaristes fixes. Le pool est un peu fait de briques et de brocs, de gens qui sont dispo à ce moment-là. Ouais. C'est souvent le cas sur les premières saisons. Donc là, c'est une bande de mercenaires qui fait cet épisode. Clairement. Reed Momo réclame un podcast caméléon. Bah, il va falloir payer aussi. Prochaine soirée caritative. Il va payer très très cher. Est-ce qu'on parlerait pas également, vu qu'on est dans cette logique de présenter la série à celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, est-ce qu'on parlerait pas des trois actrices principales quand même? Ça me semble important. Moi ça m'intéresse. Malory, vous avez quelque chose à dire ou c'est encore Riley qui a enquêté? C'est Riley qui a enquêté. Bah, parce qu'après j'arrête de parler. Vous n'avez pas enquêté, Malory? Non, moi j'ai enquêté sur l'épisode. Il y a Boline sur le chat qui nous dit que les saisons 1 et 2 sont les meilleures et les plus correctes en tout cas. Quand la créatrice était encore là-bas, et peut-être ça joue, en effet. Quand il y avait une vision de femme pour représenter des femmes. Alors, du coup, on le disait, Charms, il y a trois sorcières, trois sœurs, les sœurs Halliwell. Donc, il y a l'aîné qui s'appelle Prue Halliwell, qui est incarné par Shannen Doherty, connue pour son rôle emblématique, bien sûr, dans Beverly Hills. À qui on rend un hommage quand même, parce que petit hommage, elle est décédée, ouais, décédée il n'y a pas longtemps. L'année dernière, je crois, il me semble. Il y a moins. Donc elle incarne Prue, c'est l'aînée des sœurs Halliwell, qui est dotée du pouvoir de télékinésie. Et elle est forte et protectrice. Et elle quittera la série, malheureusement, à la fin de la saison 3. C'est peut-être même le meilleur personnage de la série, hein, je pense. Moi, j'aime beaucoup Prue, ouais. On acquiesce dans le public. Oui, ouais, mais Prue, moi, le peu que je connais de la série, Prue est un celle qui tient et apporte le show, en tout cas, sur ses épaules. Il y a également une autre sœur, Piper Halliwell, donc, qui est incarnée par Holly Marie Combs. Donc, c'est la sœur du milieu, j'écris. La sœur du milieu. Bah, c'est ça, en soi. Ouais, c'est ça. Elle est dotée du pouvoir de figer le temps. Donc Piper Halliwell, avec qui il y avoir des histoires d'amour, notamment avec Léo, le fameux ange dans la série. Après, Charm, elle n'a pas fait entre guillemets une grande carrière. Elle a joué dans Pretty Little Liars, un rôle important. Et elle a même lancé en 2022 un podcast sur Charm, figurez-vous, qui s'appelle House of Halliwell, qu'on a bien sûr pas écouté. Je crois que c'est le moment de préciser qu'on va évidemment spoiler la série, Comme des cochons. Donc, si tous les morts, vous allez savoir. Hein. Si vous ne voulez pas être spoilé de la série, évidemment, il ne faut pas nous écouter. Et enfin, la troisième sœur, c'est Phoebe Halliwell, incarnée par Alyssa Milano. Alyssa Milano qui était révélée dans Madame est servie, souvenez-vous. Donc dans Charm, c'est la sœur, la plus jeune sœur rebelle et intuitive, capable de voir l'avenir. Elle a des flashs du futur, un pouvoir assez intéressant. Alors son personnage va prendre de l'importance au fil des saisons, gagner en maturité, elle va même devenir... finalement, le personnage principal de la série à un moment donné, il me semble. Notamment avec sa relation... avec amoureuse Cole. Avec Cole, ça Cole le démon. Cole Turner. Cole Turner. Oula, Malorie, ça va. Je suis transformée. Elle est en sueur là. Malorie aime beaucoup Cole Turner. Un de mes premiers crushs. Hein. Alors quand t'es adulte, tu te rends compte que la relation était pas ouf. Ouais, était un peu chelou. Mais quand t'es jeune, tu vois pas tout ça. Angel, Cole, oh là là. Ouais, parce qu'évidemment, comme dans, un peu comme dans Buffy, Phoebe, donc Phoebe Halliwell, tombe amoureuse de quelqu'un qui est de l'autre côté, du côté des méchants. Et ça a créé plein d'histoires, évidemment. Ça me trouve que Cole est horrible apparemment. Bah évidemment, vieux quand tu es une personne adulte, oui, c'est un mec un Cole, peu Cole un peu qui jouait dans, je sais plus son nom, son acteur merde, mais il jouait dans Nip Tuck, qui est un. Mais bon, un gars Nip Tuck, il est génial. Un des deux quand t'as 10 ans, de, les relations toxiques, c'est pas ce qui te saute aux yeux en premier quoi. Et bah super, Nip Tuck, sacrée série aussi. Hein. Super. Julianne McMahon, merci Sam. Super présentation, c'est un bon acteur. Riley. Est-ce que, alors après je vous embête plus Riley, hein, vous avez le droit de prendre une pause après, mais est-ce que vous avez fait un petit pitch de l'épisode lutté. Du jour? J'ai lutté, déjà il a fallu que je regarde l'épisode. Ah bah oui. Donc compliqué pour faire un pitch, j'étais obligé. En 4 fois. En 4 fois, 4 fois 10 minutes pour le voir. mais non, je l'ai vu, j'ai noté, donc qu'est-ce qui se passe? Les sœurs Halliwell sont invitées à l'anniversaire du petit David, petit garçon qui sort de nulle part dans la série, alors peut-être que sur le chat ou dans les commentaires vous nous le direz. Le jour de cet anniversaire, le petit David va se faire kidnapper par une horrible créature, une sorte de démon bizarre, hein, clairement. Et donc, le look du méchant est pas fou. En tout cas, les sœurs, du coup, vont essayer de retrouver ce petit garçon. Et en parallèle de ça, il y a un journaliste qui découvre le secret des sœurs Halliwell et donc va essayer de les faire chanter. Il y a toute cette histoire autour de... Enfin, ça, c'est un peu bidon, vous allez le voir dans l'épisode, mais c'est bidon. On t'a demandé un pitch, on t'a demandé... Pardon, excusez-moi, j'ai débordé. Bon, en tout cas voilà, les sœurs vont essayer de retrouver ce petit garçon au péril de leur vie. Ok. C'est bon, j'ai fini, je me tais. Alors, chez vous, évidemment, vous avez l'intégrale de Charmed en DVD, hein. Vous êtes prêts et prêtes... Les gens sont pas prévenus. ...à lancer l'épisode. Alors, on va vous diffuser l'épisode. Il existe en VOD, disons, au pire. Hein, pour ici, ceux qui... oui, comment voir Charmed? C'est sur Prime. Prime, si certains ont Prime et ont envie de regarder l'épisode en même temps que nous. C'est parti, on va lancer l'épisode. Donc je vous rappelle, Out of Sight, épisode 19 de la saison 1, Innocence perdue en VF. Attention, 3. Donc Charmed, hein, pas Buffy. Ouais, il va dire top. 3, 2, je suis pas prêt. 1. Top, c'est parti. Et l'épisode commence. Oui, c'est l'anniversaire de David. David dans un parc. Dans un parc. Et dès les premiers mots des répliques que s'échangent les frangines, le décor est planté. Hein. C'est une série sur les relations amoureuses. Hein. Vous pensiez regarder une série fantastique, hein. Même un peu féministe, hein, pourquoi pas. Et pas du tout. On est sur de la romance pure et dure, hein, vous allez voir. Une seule préoccupation chez ces trois sœurs. Enfin, en tout cas, la seule préoccupation qui est mise en avant dans les intrigues écrites par les scénaristes. reste de ce show, c'est que chacune se trouve un mec. Et donc là, c'est Piper qui parle de sa peur d'avoir une relation sexuelle avec le gars qu'elle date en ce moment. Trois dates et toujours pas eu de relation sexuelle. Là c'est là scandaleux, lui dit Phoebe. Petite Phoebe. Et oui, c'est le débat. Et donc et vous allez voir que les trois sœurs vont avoir chacune une intrigue. Alors ça c'est normal dans les séries qu'il y ait une intrigue A, une intrigue A, une intrigue B, une intrigue C pour chaque personnage. Mais là c'est des intrigues, c'est que des intrigues amoureuses pour chacune des trois femmes. C'est un petit peu embêtant. On a à l'arrivée de Dee, donc cette femme là qu'on voit au milieu, qu'on la mère de David donc. Moi que je ne connaissais pas. Et on l'a déjà vu dans les épisodes où elle débarque comme ça. Elle débarque comme ça. Pas du tout introduite et c'est quelque chose d'après moi qui est assez récurrent dans la série, c'est qu'on nous introduit souvent des amis, des sœurs, des gens qui arrivent auxquels on est censé s'attacher un petit peu et en fait on les connaît pas et on les revoit pas. Et c'est pire parce qu'on nous dit que c'est des amis qui sont au courant de leur histoire, parce que David il me semble qu'il est au courant de... Non, ça c'est pas du tout ça, c'est que David il la voit utiliser ses pouvoirs plous. Mais ils sont pas du tout au courant. D'accord. Je crois que Dee était au courant aussi. Non, il y a personne qui est au courant là, à ce stade-là de la série. On a vu dans les buissons des yeux qui ont des yeux de pédophile, ça se reconnaît. Hein. Et la tête d'un pédophile. Voilà, le méchant est là. Alerte pédophile. Mais on rigole, mais c'est horrible parce que effectivement, c'est ça qui est traduit dans cette scène. C'est ça l'image, la métaphore, quoi. Voilà. Ce démon qui est derrière les buissons, hein, qui regarde les enfants en train de jouer au ballon, et là qui veut le kidnapper et qui va réussir à le kidnapper parce que Prue n'arrive pas à faire son. Non, elle est un peu surprise parce qu'il vient de lui arriver. Ah oui, c'est ça. Voilà, tout ça, c'est la métaphore du gros pédophile qui enlève un enfant et qui l'emmène dans un milieu. Du bois de Vincennes, visiblement. Ouais, dans un milieu horrible. C'est vraiment ça, parce qu'il l'attrape et puis il court avec. Enfin, c'est vraiment pas un enlèvement surnaturel, quoi. Il le prend, il l'emmène. C'est surnaturel, il fait un trou dans le sol et il saute. Et on a vu aussi au passage qu'il y avait un témoin à cette scène, qui sera le journaliste qui va essayer de faire chanter Prue après. Par contre, on est d'accord que l'endroit où elle arrive et l'endroit qui est montré là, c'est pas le même. C'est pas du tout le même endroit. Non, et cette idée du plan très large, et elle est super, sauf que ça se finit sur un freeze, sur un arrêt sur image très moche. C'est un peu dommage. Une production laborieuse. C'est compliqué, c'est pas Buffy, on va essayer de défendre cette série. On arrive au générique, qui est trop bien. Le générique est lui assez sympathique. Mais oui. Parce que déjà la musique est sympa, on l'a dit. Et dans ce générique sont très bien caractérisées chacune des trois sœurs. Il y a des images pour nous montrer leur pouvoir. En fait, c'est un générique qui sert de prévoucely presque pour expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas la série qu'est-ce qu'ils vont voir. Exactement. Donc on a vu les trois sœurs, on a vu des flics aussi, des petites scénettes qui nous expliquent chacune leur pouvoir, donc la télékinésie pour Prue, les visions pour Phoebe, et pour Piper c'est l'arrêt du temps, et il y a aussi les mecs qui servent à rien, les deux flics. Ils servent pas à rien. Et il y a aussi ils sont importants. Toute une imagerie qui est là pour nous montrer que ça va parler de sorcières. Ouais, de sorcières un peu modernes, mais exactement. Vraiment le visuel est hyper cool du générique et il montre bien l'ambiance de la série, en fait, visuellement en tout cas. Oui. En tout cas, il fait carrément le job d'expliquer le concept de la série. C'est, vous allez voir, une série sur trois sorcières modernes dans le monde contemporain. Et il y a un plan sur un chat aussi, qui est le meilleur plan de la série. Plus beau plan. Ouais. Donc, comme on disait tout à l'heure, ils exploitent à fond San Francisco avec beaucoup de plans de coupe, les rues, le tramway, des cartes postales de San Francisco, en fait, tout simplement. Et des plans qui, à mon avis, viennent d'une banque de données, en fait, n'ont même pas été filmés pour la série. Parce que quand la série a été passée en HD, donc là c'est une version HD qu'on regarde, les plans, donc les plans de coupe, les plans de paysage de San Francisco n'ont pas la même qualité que les plans et de tournage. Priorité au direct. Alors oui, la police est sur les lieux. Là, ce qui est hyper intéressant en vrai, c'est qu'il y a la police qui est là, mais c'est les deux sœurs qui parlent et en fait cette scène, elle caractérise bien les deux sœurs parce qu'on a Piper qui est pas du tout en train d'enquêter, qui est en train de s'occuper de la maman. Donc c'est son rôle en fait. Piper, elle s'occupe des autres. C'est ça. On a Phoebe et Prue qui sont en train d'enquêter. Et surtout, on a Phoebe qui sait tout avant tout le monde. Elle sait déjà tout ce qui s'est passé avant. Ça va avec son don de préscience en fait. Et Prue, elle essaye très de réfléchir. Elle est c'est très ça. Et Prue, elle essaye de réfléchir et de comprendre ce qui s'est passé. Donc on a vraiment le côté de Prue qui agit, le côté de Phoebe qui ressent les choses et le côté de Piper qui est dans le care. Je sais pas comment dire en français, mais dans le soin des autres, quoi. Ah tout le temps, elle passe son temps à faire. Donc son job, elle est chef. Donc elle passe son temps à faire à manger aux gens. On va voir dans une scène plus tard qu'elle pour aider sa copine Dee, dont le fils a été enlevé, elle veut lui faire à manger. Tout à fait. Elle veut tout le temps, dans un autre épisode que j'avais vu, elle préparait à le petit déj pour ses sœurs. Enfin voilà, c'est vraiment, c'est son rôle dans la famille quoi. Complètement c'est... dans le cas. Dans ce petit, je reviens en arrière, dans ce petit passage clippé avec des paysages de San Francisco, on avait une musique du groupe Rémi Zéro qui nous chantait le morceau Hermès Bird. Rémi Zéro, Smallville, hein, c'est Smallville, pas générique. Voilà, Smallville, c'est ça, un groupe que connaissent les spectateurs et spectatrices. Somebody say. Gros bisous à Bigel. De la trilogie du samedi, parce que c'est Rémi Zéro qui signait. Alors Rémi Zéro, c'est un peu le. Ouais. C'est et là, pas terrible, hein. C'est mais il s'est passé quelque chose de central dans l'épisode, c'est que Phoebe. Ah oh, pardon. Coupe la parole, Mallory, c'est dingue. Je déteste. Eh, priorité au direct, on a toujours dit. Rémi Zéro qui signait le générique de Smallville. Vas-y, maman. Excuse-moi. Alors, on disait, il s'est passé un truc qu'on a passé, c'est que on soulève que Pooh, c'est la première fois qu'elle utilise ses mains pour utiliser son pouvoir. Et moi, je pense que tout cet épisode a été écrit autour de ça, en fait, parce que clairement, c'est juste ça qui lance l'intrigue, c'est qu'elle utilise ses mains pour la première fois. Et c'est pour ça qu'elle n'y arrive pas, du coup. C'est ça. Elle met en l'air, elle met en l'air le kidnappeur et le kidnappé. Et elle met pause le kidnapping. Mais elle n'arrive pas. Elle est étonnée, ouais. Justement, par son. Elle on explique étonnée, pour ouais. ceux qui n'ont pas l'image, mais voilà, elle est étonnée par l'ampleur de ses pouvoirs. Et du coup, elle n'arrive pas à arrêter complètement ce kidnapping. Très, très méchant, les méchants. Ils sont horribles, ces gars-là. Ils piquent la vue des enfants. Ça, les enfants, ils. Deviennent aveugles. Qu'elle a encore une image, hein. Voilà, c'est on empêche l'enfant de voir ce qui se passe, on le met dans le noir, on le traumatise, voilà, encore une sorte de pédophilie. Une sorte de pédophilie. Montrer quoi. Ouais. C'est un peu, c'est très très grave ce qui se passe. Le livre des ondes, ça va enquête. Trop vite, ça va trop vite. Ouais. On n'a pas eu le temps de dire qu'il y avait des voitures de policiers, c'était des voitures de police de Los Angeles, hein, voilà. Alors qu'on est censé être en San Francisco. Donc là, on arrive chez donc les trois sœurs habitent dans la même maison. Enfin, faut noter. Ça c'est cool. Hein. C'est pas tout le temps que trois sœurs sont colocatrices dans une même maison. Parfois. Et on a vu le livre des ondes qui revient à tous les épisodes. Qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est le livre magique, littéralement, puisqu'il y a toutes les réponses dedans. Dès qu'il y a un problème, Apple vous regarde dedans. Ah, c'est comme la bibliothèque dans Buffy. Bah, c'est un peu comme les livres de Giles. Mais il n'y a qu'un seul livre, quoi. Et c'est ça leur héritage, en fait. C'est ça. Au serveur Ali, ouais. C'est l'héritage des sorcières qui ont transmis leur savoir avant. Ah, donc c'est écrit par d'autres sorcières. Ouais, c'est écrit par leurs ancêtres, en fait. Alors ça, c'est intéressant. Ouais. La sororité à travers les âges et tout. À chaque fois que quelqu'un. Bah dis donc. Ah, il y a un souci d'épisode. Oui, il y a un souci. Ça reste jaune. N'en parlons pas. N'en parlons pas. Ça me fait marrer, c'est des répliques là. C'est qu'elle dit quoi, il peut devenir aveugle. Mais c'est horrible. Mais il peut juste mourir aussi. Enfin, ouais, c'était. C'est ça qui les perturbe, c'est qu'ils deviennent aveugles. Ok, c'est grave, mais peut-être plus grave, quoi. Notamment mourir ou se faire. Bref. Donc voilà, là on a donc Piper et Phoebe qui cherchent un moyen d'aider leur ami Dee à retrouver le fiston. Et oui, et il y a ça aussi, il y a cette thématique du Piper, ça l'embête parce qu'elle aimerait bien dire à sa pote Dee qu'elle est sorcière et qu'elle peut l'aider. Mais à ce moment-là de la série, je ne sais pas si ça changera par la suite, mais à ce moment-là de la série en tout cas, les trois sœurs cachent leur identité de sorcière, enfin leur capacité de sorcière. Elles le cachent complètement. Et ça va être tout l'enjeu de la scène. Du journaliste. Voilà. Ce petit coquin de journaliste qui a donc vu Prue utiliser ses pouvoirs dans le parc et qui sent le scoop arriver. Bon, c'est un journaliste en mode paparazzi, hein. c'est un petit salopard ce gars-là. Et il se dit, tiens. Je sais ce qui se passe, je sais ce que tu nous caches. Ouais. Ce perso, c'est terrible. Je vais sortir un scoop bien salace et je vais. Embêter cette jeune femme et voilà et là on le verra plus tard avec d'autres scènes mais voilà là on a la critique de tous ces paparazzi qu'il y avait dans les années 90 là qui poursuivaient les stars jusque devant leur maison dans leur voiture tout ça c'est complètement ce que ce vilain gars montre. But if I wrote an article on it, it might look like something. Et donc il vient en lui disant voilà il veut faire chanter Prue en lui disant bah voilà je sais ton secret je vais sortir un article maintenant faut que tu m'en dises plus sinon ça va mal se passer pour toi. Non, ça c'est vraiment la sous-intrigue nulle quoi. Ah ok, pourquoi? Bah parce que ça n'intéresse personne, on y croit pas une seconde. Et bon, ce journaliste. Il va revenir plusieurs fois dans l'épisode et en fait on va comprendre à la fin pourquoi il est là. C'est juste pour mourir en fait. C'est de la chair à canon ce gars. Oula, le spoiler. On a dit qu'on spoilait, on s'en fout. Alors, oui, non, mais c'est. Oui, mais ça met en avant le côté. On en parle beaucoup. Oui, ça met en avant le côté qu'elle se cache, quoi. Dans Buffy, la double identité, secrète, tout ça, ouais. C'est un sujet qui est important. Et donc, c'est aussi traité comme ça, comme une orientation sexuelle ou une croyance religieuse qu'on n'oserait pas sortir pour rester dans la norme. Et c'est comme ça qu'est traité ce côté sorcière, la sorcellerie, chez les trois sœurs. Elles n'osent pas faire leur coming out. Je pense que c'est traité aussi par rapport à l'histoire des sorcières où, quand t'es une sorcière, il faut pas que ça se sache. Au-delà de coming out, je pense que c'est plus... côté les gens craignent les sorcières dans le monde et du coup, ça sera vu plus tard dans la série. Si t'es découverte comme sorcière, on va te tuer, en fait. Et c'est ça qui est intéressant, parce que enfin, je sais pas, moi je vois la série aujourd'hui, je me dis les sorcières c'est cool quoi, enfin, j'ai du mal à me projeter dans c'est mal d'être une sorcière. Bah oui, mais si le monde aujourd'hui découvrait que des femmes ont le pouvoir de figer le temps, de bouger les choses par la pensée, je pense pas que tout le monde serait en mode c'est cool, je pense que le gouvernement essaierait de les choper pour en faire des armes ou je ne sais quoi. Ce qu'on peut reprocher, c'est que voilà, c'est 20 minutes dans cet épisode, enfin, c'est un truc qui revient jamais vraiment cette histoire. Si, ça c'est central dans la série, le fait de se cacher, c'est un sujet. Elle se cache toutes les 8 saisons, elle se cache tout le temps, et il y a des moments où elles sont contraintes à se montrer plus, justement, et ça sera toujours un sujet qui va les suivre. Ça sera toujours caché, d'accord. Mais oui, et donc c'est dommage parce que comme Buffy, je vais beaucoup parler, les mettre en lien avec Buffy, ces trois sœurs, mais comme pour Buffy, elles pourraient apparaître comme des super-héroïnes, ces trois sœurs avec leurs super-pouvoirs, mais donc c'est jamais trop le cas alors. Bah, on n'est pas, je pense, dans un monde où ce genre de personne est très accepté, à mon avis. Et parce que, alors ça va être mon fil rouge pendant tout l'épisode, parce qu'on est aussi dans une série qui n'est pas une série fantastique qui est un soap opéra. C'est vraiment ça qui m'a frappé en analysant cet épisode et donc cette série. Toutes les mécaniques sont les mécaniques du soap. Le plus important dans cette série sont les relations amoureuses. Là, donc, on a une scène entre Phoebe et une ancienne victime des méchants, des pédos. Et tout l'intérêt de cette scène, c'est que ce monsieur va devenir un love interest pour Phoebe, ce qui est quand même super triste. Il y a d'autres choses à faire avec. Et ça arrivera quasiment tout le temps, un épisode. Il y a un homme devient un love interest pour un épisode et qu'on ne revoit plus jamais. Précision, celui-là, il joue extrêmement mal. Hein. Je me suis renseigné sur. C'est pas un acteur fabuleux. Raphaël, je sais plus son nom, mais ça reviendra plus tard. Il est scandaleux, il faut absolument pas le regarder dans la série. Ne le regarde, fermez les yeux. Il joue extrêmement mal, c'est hallucinant. Et autre petit code qui nous rappelle le soap opera, c'est entre chaque scène, je sais pas si vous avez vu, il y a des plans de coupe de paysage systématiquement pour nous dire regarde, téléspectateur, c'est ici que va se passer la scène. Donc un plan d'immeuble, un plan de paysage, un plan de maison, avec une petite musique. Une petite virgule sonore, enfin c'est systématique. C'est tellement forcé, enfin, parce que en fait elle accepte de rencontrer Phoebe, mais le mec ne demande même pas pourquoi. Enfin, il n'y a même pas d'enjeu, c'est juste un personnage fonction qui. Non, et puis les choses. Ou love interest qui ne sert absolument. J'ai retrouvé son nom, Raphaël Sbarge. Sbarge. Donc si vous voyez son nom, fuyez. Puis les choses sont souvent posées sans amorce. C'est pareil, le début de l'épisode où on comprend que Phoebe c'est déjà tout, on nous voit pas, enfin on nous montre pas. Ce tu perso, vois. Finalement, donc alors effectivement, nous en tant que surtout que fans de Buffy, on est un peu dérangé par ça parce que on est habitué à autre chose. Mais voilà, il faut dire, faut comprendre que c'est juste deux projets différents quoi. Ouais. Buffy et Charmed. Oui, bien sûr. Charmed, c'est vraiment le soap, les romances, voilà. Et Buffy, c'est le teen drama. Il y a un code de soap opéra qui est vachement repris dans Charmed. C'est cette scène finale, le dernier plan de la séquence, toujours en gros plan sur le visage du personnage. Ouais. C'est les feux de l'amour à fond. Ouais, ça n'arrête pas. Et pour faire, oh là, du suspense, gros plan sur Prue ou sur Phoebe. Et là, on vient d'apprendre on a plein de choses à dire finalement parce qu'on n'arrive pas à suivre l'épisode. Hein, ouais. Que les Grimlocks utilisent Laura. L'aura, des bonnes personnes qui seraient jaunes. Parce que donc dans cette série, il y a des auras. Chaque être humain a une aura plus ou moins gentille ou méchante, c'est ça, un jaune apparemment. Ou rouge, j'imagine. Oui, donc alors là, c'était la fin de l'acte 1, juste avant la pub. Et effectivement, on a les Grimlocks qui ont attaqué un gars. Et c'est pas très clair, enfin, en tant que spectateur. Pas d'où ça sort, parce qu'en plus, il a attaqué un enfant au début de la série. Et là, ils attaquent un mec. Mais effectivement, c'est petit à petit qu'on va comprendre que c'était une bonne personne, que ces mecs sont des, une sorte de tueur à gage des forces du mal. Ça, c'est Phoebe qui le dit. Voilà, enfin, il y a plein de choses. Là, il y a un truc intéressant, c'est que les sœurs arrivent à mettre en commun les informations qu'elles trouvent chacune et pour elles mènent leur enquête. Elles mènent une petite enquête quand même. Ça marche bien. Elles travaillent ensemble. Ça c'est plutôt pas mal. Donc là, on est chez les sœurs Halliwell. Donc, ils font point hein, sur l'enquête. Elles vont se repartager le boulot. C'est écrit dans le conducteur blabla chiant. Non, ça c'était avant. C'était la scène avec. Je confirme, c'est quand même chiant. Et non, mais c'est une des rares scènes où il y a les trois sœurs en même temps. C'est parce qu'elles vont être dispersées chacune dans leur enquête. Prue surtout à gérer l'histoire avec le journaliste. Piper à gérer, parce qu'il y a ça aussi, il y a toujours le love interest qui revient. Piper, elle doit trouver une carte parce qu'elle sort avec un architecte en ce moment, donc elle va choper la carte avec lui. Ouais, personne qu'on connaît pas non plus. Hein. Donc elle sort avec un architecte dans cet épisode parce que c'est utile à l'épisode en fait. Utile. Ah si, on le connaît, pardon. Non, je suis hyper mauvaise langue. On le voit pendant plusieurs épisodes en vrai, ce mec. Oui, on le voit pendant plusieurs épisodes. Mais en fait, c'est un défaut aussi de la série dont tu parlais certains, parce qu'ils pensent une intrigue différente pour chaque personnage. Du coup, à quel moment elles se retrouvent ensemble ou presque ? Ah. Il y a pas, ça se recoupe pas, les intrigues se recoupent pas entre elles. Enfin, à la limite, si le journaliste va arriver à la fin sur la scène de crime, mais. Non, il y a pas de thématique propre à l'épisode, comme on peut avoir dans Buffy, effectivement, mais. Là encore, c'est pas un jugement de valeur, c'est vraiment ces deux projets radicalement différents. C'est écrit totalement différent. Là, on passe sur donc deux autres persos qui étaient dans le générique, hein, c'est les deux policiers, dont un qui est l'ex de Prue, il me semble. Andy, oui, c'est ça. Ah ouais, c'est son amour d'enfance, quoi. Et là, du coup, ils vont développer cette intrigue du journaliste qui va dire « Attendez, j'ai un scoop, les policiers, les sœurs Halliwell, c'est des sorcières, waouh !» Ouais, ça c'est inintéressant, c'est du remplissage de l'épisode. Non, c'est parce que ça va avec l'intrigue de Andy en fait, qui est un flic qui, depuis le début de la série, il est présenté comme un flic qui enquête sur l'occulte. En fait, donc lui il enquête et il sent que Prue lui cache quelque chose et qu'elle a un lien avec ce monde-là en fait. Et c'est pour ça que, évidemment, ce journaliste vient lui parler à lui parce que c'est le spécialiste de ça. Ah, d'accord. Alors, heureusement que t'es là, Mallory, parce qu'on aurait galéré sur ce podcast. Non, et puis il y a ce. Dans l'autre épisode que j'ai vu, parce qu'on s'était trompé d'épisode, bref, on va pas vous faire tout l'historique, mais j'ai vu un autre épisode dans lequel Andy donc, apprenait que Prue était sorcière et il le prenait super mal. Et donc, ce qui poussait Prue à garder son secret parce qu'elle disait, si je le dis, il va mal accepter. Sauf que Prue est pas toute rose non plus parce qu'elle lui avoue son secret alors qu'elle vient de lui jeter. Enfin, alors qu'il est sous l'emprise d'un sort de vérité. Donc en fait, il est obligé de lui dire absolument tout ce qu'il pense dans l'instant. Il a pas le temps de réfléchir. Elle lui balance ça, elle lui dit, je suis une sorcière, et il est obligé de toutes ses pensées lui dire. Ouais, et là, le recul nécessaire en fait. Tu vois. Et là, on va le voir, effectivement, à la fin de cet épisode, il va apprendre qu'elle a des pouvoirs. Et au départ, il va faire une tête un peu chelou. Il est pas content d'avoir été tenu au secret, mais j'ai l'impression que ça va un peu mieux se passer par derrière. Parce qu'il sent en fait, il sait déjà, c'est juste qu'il voudrait que Prue lui dise en fait. Et on va voir un deuxième personnage qui est Daryl, Maurice, qui est en fait un personnage qui va rester jusqu'à la fin de la série. Le deuxième flic qui va devenir un vrai allié des filles, parce qu'à la mort de Andy, spoiler, plan sur lui qui reprend le flambeau. C'est lui qui devient l'allié des filles parce qu'il pour comprendre pourquoi son meilleur pote Andy est mort, il va essayer de se rapprocher d'elle et il va développer un lien privilégié avec Prue notamment. Alors là, il y a une scène un peu sympa. C'est ce qu'on aurait aimé avoir plus dans cette série, moi je trouve. Là, on est complètement dans une scène de comédie romantique, quiproquo amoureux. Piper est persuadée de parler, enfin son mec, son date de l'époque veut discuter avec elle. Elle est persuadée qu'il veut parler de sexe, faire du sexe et tout. Donc elle est très très gênée. Elle veut pas avoir cette conversation. Puis surtout, elle est pas sûre de vouloir faire du sexe avec lui. Sauf que lui, il veut pas du tout parler de ça. Lui, il veut parler d'autre chose parce que lui, on lui a proposé un job dans une autre ville et il sait pas s'il veut partir ou pas. Et donc c'est très rigolo. C'est hilarant. T'as l'air vendeur. Non mais ce qui est bien, c'est que Piper va utiliser son super pouvoir de sorcière pour se sortir de cette situation, qui est une situation de la vraie vie. Et là, c'est super. Le spectateur ou la spectatrice peut se projeter dans ce malaise. Ah merde, ça arrive à tout le monde, ce genre de quiproquo et tout. Ouais. Et on aimerait tous avoir ce pouvoir de hop, je fige le temps. Maintenant, je fais quoi? Et c'est ce que peut faire Piper. Et moi, je trouve ça bien. Mais voilà, là, c'est quand ils utilisent leur pouvoir dans la vraie vie. Pas pour autre chose que ça. Mais là, c'est ma déformation de fan de Buffy, qui je bah projette. Parce que dans trucs. Buffy, il y a ça. Il y a ça tout le temps. Bah oui. Et c'est génial. Là. C'est triste que ce soit une fois dans là, le film. Il y a ça une fois. Voilà. Bah, non, mais ça, c'est pareil. Ça, c'est récurrent. C'est récurrent, sûr. Ça arrive. Oui, parce que leur pouvoir, ils disent quelque chose d'elles aussi. C'est pas des pouvoirs qu'elles ont par hasard, quoi. Du coup. Mais oui, c'est juste que c'est jamais poussé, en fait. C'est ça qui est chiant. C'est qu'ils l'amorcent dans des épisodes. Et voilà. Et ça revient après. Et. C'est pas un sujet, quoi. C'est un running gag plutôt que. Ouais, c'est plus un vrai intérêt pour les personnages. Oui. Bah, après, elles sont censées ne pas trop le faire. C'est une utilisation marrante du pouvoir. Oui, elles sont censées pas le faire. Oui. Oui, comme tu dis, Piper, qui est ce personnage peu sûr d'elle, qui se pose beaucoup de questions, qui est voilà. Mm. Et ben là, elle, en mettant pause, elle peut, bah, elle oui, peut prendre réfléchir. Le temps. C'est, et, c'est un personnage qui tempère. Ce en fait. C'est qu'elle balance tout ce qu'elle a sur le cœur. Mm. Quand le mec est figé, et hop, elle reprend elle peut reprendre l'apparence après. Parce que pareil, Phoebe, c'est quelqu'un qui est hyper intuitif, qui ressent beaucoup les choses. Donc c'est quelqu'un qui va. Phoebe, qui va voir du coup les choses, qui va pouvoir ressentir les sentiments des gens. C'est quelqu'un qui bouge les choses par la pensée et c'est littéralement ce qu'elle fait dans la série. C'est quelqu'un qui réfléchit et du coup fait avancer les intrigues. Et Piper, elle tempère les choses, quoi. Voilà, l'aveugle qui joue comme un mec qui a des yeux qui fait l'aveugle, c'est terrifiant. C'est terrifiant. T'as déjà vu un aveugle? Mais qui parle, il y a des personnes à côté d'elle, mais il parle quand même. Je suis aveugle, attendez, donc je vais parler sur la gauche, mais elle est, je sais très bien qu'elle est assise à ma droite. Enfin, c'est affreux, quoi. Ralph Sbarge, hein, n'oubliez pas. Oui, ça a peut-être été bien de prendre un acteur vraiment. Ouais, ou juste un bon acteur. On faisait pas ça à l'époque. Et là, on comprend, et j'aime beaucoup votre voix. Ça, il commence le pseudo intrigue amoureuse entre les deux là. Et il y a un petit flash. Alors, oui, mais. Donc, d'ailleurs, là, il y a un flash. Pareil, Phoebe utilise son pouvoir, grâce à son pouvoir. Elle peut faire avancer l'enquête et donc aider. Et c'est Brent qui s'appelle ou Brett, je sais plus comment. Brent. Aider à fouiller dans ses souvenirs pour avoir plus d'informations. Mais surtout dans cette scène, on va voir que il y a un peu d'inclusivité et ça, effectivement, dans les années fin des années 90, c'était pas commun. Mmh. Et là, c'est maladroit, c'est fait n'importe comment. Mais l'idée est sympa. On veut nous montrer qu'une personne en situation de handicap comme ça peut avoir une vraie vie, peut avoir une vraie relation sociale avec cette personne, peut même comprendre ce que pense la personne parce qu'il arrive à comprendre là t'es pas sûr de toi, là je te vois, je te sens que tu es en train de sourire et tout. On nous fait comprendre qu'il arrive à comprendre tout ça malgré son handicap et ça c'est plutôt pas mal. On veut nous faire comprendre que ce gars a une vie comme les autres finalement. Ouais, ouais, et remis et tout ça, mais comme tu dis comme les autres entre guillemets, vu qu'il est milliardaire et qu'il a un appartement de 200 000 mètres carrés. Et ben oui, non mais c'est ça. Et ce que s'attendait, ça aussi, le côté méga riche, tout ça, feu dans la cheminée, elle ne s'attendait pas à ça, Phoebe, quand elle rencontre le gars. Donc, c'est des bonnes idées, ça. C'est fait avec des gros sabots, c'est pas ouf, mais moi je trouve que c'est des bonnes idées. Ouais, c'est jamais bien travaillé, quoi. Et c'est que en surface, t'as raison. C'est ça. Et je vous rappelle, c'est écrit en automatique. Hein, mais... Oui, mais parce que ces scénaristes ne perdent jamais de vue qu'il faut de la romance, encore de la romance. Là, les cartes en braille ne vont servir qu'à une seule chose, qui est un contact physique entre les doigts de Phoebe et de Bren, parce que regarde, touche ma carte, touche ma grosse carte là. Parce que c'est une carte en braille, mais c'est exactement ça. Parce que voilà, il faut qu'il y ait il y a une petite musique qui commence. Enfin, c'est pareil, des gros sabots, zéro subtilité. Mais voilà, il y a une petite tension sexuelle qui s'installe grâce à la carte en braille. Et waouh. Parce qu'il y a des petites bosses. Dès que c'est une petite bosse, il faut toucher. Évidemment, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. That's how you've seen all these other monsters that you've mentioned, isn't it? Phoebe, you're a good person. And that probably means you... Ah, on reparle de... Tu vois, pareil, il reparle de l'aura, là. Ah oui, c'est un sujet. Mais pareil, l'aura des gens, c'est un sujet qu'on va jamais vraiment réexploiter, en fait. Ah, ce truc de l'aura, ça va pas revenir? Ça revient non. pas. L'aura c'est jaune, sérieux. Là, ça revient pas. Non. Parce que donc, on le dit pour ceux qui ont pas vu les pièces. L'aura dorée, en fait, pardon. On va comprendre que les gens qui sont des bonnes personnes dégagent une aura dorée, que ces Grimlock, ces tueurs à gages des forces du mal, peuvent percevoir. Et donc, c'est pour ça que eux tuent les gens qui ont une aura dorée. Et c'est en ça. Plus, ils enlèvent des enfants. Ça, c'est un peu mais étrange. Mais voilà, ils font ces deux choses-là. Et par contre, les Gremlins vont revenir. Ouais, ouais, ils reviennent deux fois, je crois. Va savoir pourquoi. C'est affreux. Les enfants, ils, t'inquiète pas, ma mère a une copine qui a des super pouvoirs. Et là, il y a le méchant qui arrive. Taisez-vous, voilà, les enfants. Ça, mais oui. Mais bah, d'où il sait qu'elle a des super pouvoirs? Mais ah, oui, au pardon. Début, il se fait soulever dans les mais airs. Alors, pardon, j'avais oublié ça. Mais même, ça sert à rien. C'est juste pour montrer. Les enfants sont toujours là. N'oubliez pas l'intérêt de l'épisode. Il y a des enfants. Parce qu'on nous fait même pas compatir avec eux. En nous les faisant connaître un peu, non? C'est lourd dingue. L'autre enfant, parce que donc il y a deux enfants, l'autre enfant ne dira jamais rien, on ne verra même jamais son visage. Non. Je me demande est-ce qu'il y avait vraiment un autre enfant? C'était une poupée, c'était un mannequin. comment ils ont géré on ça? On repart dans la romance. Donc là, Andy le flic vient voir Prou pour lui dire attention, il y a quelqu'un qui s'intéresse à ta magie. Oulala. Ouais. Voilà. En fait, Prou, Andy, il veut savoir ce que cache Prou, parce qu'il veut enquêter. Il sent qu'elle cache quelque chose en lien avec la sorcellerie, et lui, comme c'est son domaine, et qu'en plus ils sont sortis ensemble. Mais c'est ça. Il y a une énorme tension romantique entre les deux là. Et je pense qu'il aimerait bien, comme il est flic et que c'est un mec, il aimerait bien pouvoir la protéger. Sauf que Prou, en fait, elle a pas besoin d'être protégée par Andy. Elle peut se débrouiller toute seule, et lui, ça le frustre. Pas mal, je pense. Oh, le syndrome Riley. Un peu, ouais. Le syndrome du sort. Genre, j'ai pas de pouvoir, je suis nul. Ah ouais, c'est vrai que c'est un peu de ça. Je pense que ouais, mais après, il y a aussi une question de confiance où, comme il est amoureux d'elle, il aimerait bien qu'elle se livre, parce qu'en fait, elle lui fait pas confiance, alors que... Il va mourir, parce avant qu'il va... Pro ou... Ouais, parce qu'il va finir par savoir, il va la sauver. Il va se sacrifier pour elle, évidemment. Cool. Mais oui, c'était un personnage qui était sympa parce qu'il soulevait des questions intéressantes en vrai, mais je crois qu'il est parti parce qu'il avait des soucis avec la prod. Bah oui, ouais. Il jouait trop bien pour la série, peut-être il... tu peux pas rester. Ouais, il est bien, mais franchement, non, les acteurs récurrents sont bons dans Charmed, hein. Le casting est très bien. Les personnages secondaires sont nuls par contre. Non, mais Prou. Il meurt dans 3-4 épisodes. Shailene Doherty est formidable. Enfin, ouais, j'ai adoré sa performance, tout ce qu'elle dégage et tout. Enfin, c'est super. Elle est top. Mais les trois. Alyssa Milano, elle est top en Phoebe aussi, franchement, je la trouve bien. Ouais, grave. Même Oli Maricombe, enfin, moi je trouve les trois sœurs très bien castées. Sauf là quand elle doit manipuler une carte, là moi j'ai mal à. Elle fait n'importe quoi avec sa carte. T'as mal à ta carte ? Bah oui, elle j'ai la mal à ma carte. T'as mal au boss ? Bah elle la chiffonne quoi, putain, une carte, soit ça se plie correctement, soit ça se roule. Ça se touche les boss. Il y a beaucoup de vent à San Francisco. Mais là elle fait n'importe quoi avec la carte. Ouais, la pauvre. Choqué. Mais vraiment rien à dire quoi. Oui, Oli, c'est pas la meilleure. Bon, la meilleure des trois, c'est clairement Shailene Doherty, je trouve. Ah, Oli, d'accord. Oli. Elle parle. Ok. Bref. Les deux sœurs se retrouvent. On arrive à la fin de l'acte 2. Le méchant journaliste, toujours sur les talons de Prou. Et il a compris tout seul. Attention, le bébé. Il y a un bébé, une poussette qui traversait la rue toute seule. Et mais c'était un piège. C'était un piège. Oh, Prou est pas contente. Hein. Elle va défoncer des gueules. Il leur a monté un coup. On explique pour les gens qui n'ont pas l'image. Donc le journaliste poursuit Prou et ses deux sœurs pour avoir une preuve, une preuve de leur pouvoir magique. Donc là, il a balancé une poussette au milieu de la rue devant un camion en se disant que les sœurs, en voyant ça, allaient utiliser leur pouvoir. Ce qu'elles font, Piper donc arrête le temps, mais Prou comprend que c'est une manigance et donc elles se remettent à leur place, c'est comme si de rien n'était, et remettent le temps en route. Bref, c'est compliqué. Il y a une histoire de faux raccord. Il y a une histoire de faux raccord parce que dans sa petite. Donc le journaliste était caché avec sa caméra pour filmer la scène. Il dit il s'est rien passé, mais en rembobinant, il voit qu'il y a un faux raccord de sac. Et ouais. Et donc pour là, c'est sûr, c'est une sorcière. Même le mec qui tire des conclusions de fou. Il l'a déjà vu faire léviter un enfant avec ses mains. Preuve, donc évidemment là, que. Là, c'est pas une preuve pour moi. T'es rejeté au tribunal. Là. Non, mais le discours méta est formidable. Ouais, c'est la caméra. Collecte. La caméra est plus forte que les pouvoirs magiques. La caméra détecte les Magique. Tu forces ça. Mais d'accord. C'est facile comme ça preuve. Ça prouve rien. Ouais. Non, ça prouve rien. C'est un journaliste de merde, hein, probablement. Pour lui, il est persuadé que c'est bon. Ouais. Regarde, il a l'air méchant. Il va y avoir un gros plan sur lui. Il est méchant. Il a chier, quoi. Il est méchant. Je retire ce que j'ai dit. Il joue encore plus mal que le témoin. Que Brent. Donc, début de l'acte 3, ça va très très vite cette histoire. On arrive à la maison des sœurs Lewell. Il y a une réunion entre les trois sœurs. Pareil. Sous l'œil. Méchant. Sous l'œil méfiant du méchant. Et donc, les trois sœurs font un point sur leur enquête. on aura noté que Phoebe avait en sa possession une carte vraisemblablement prise par Piper chez son mec, mais on n'a pas vu comment les deux femmes pas vu de transition. Se sont filées la carte. Enfin, c'est pas très clair. Il manque peut-être des scènes. Hein, on rappelle que c'est pas le plus important. Le plus important, c'est la romance. L'amour. Ouais, parce que l'amour. Pas le point sur leur relation amoureuse, ça m'inquiète. Hein. L'amour. Et si, il va y avoir un truc à la fin. Ah non, c'était dans la scène d'avant. Il y avait un truc très drôle que j'ai noté. Oui, dans la scène d'avant, quand Phoebe et Piper parlaient. Non, je sais plus qui c'était. Enfin, Piper évoquait la conversation qu'elle allait avoir avec son date. Et sa sœur lui disait bah alors, tu feras comment s'il veut parler de sexe? Et elle disait je dirais que j'ai une migraine. Ça, c'est pareil, c'était une réplique un peu marrante, un peu sympa. Ouais. Parce que dans les fictions contemporaines. C'est le cliché. Une femme dit qu'elle a une migraine, c'est parce qu'elle n'a pas envie de faire l'amour. Donc là, c'était un peu rigolo, ça. Voilà. On aime bien ce genre de petit pic de fraîcheur. Il y en a trop peu, selon moi, dans cette série. C'est un peu trop premier degré, un peu trop. Il y a toujours des pointes d'humour, mais c'est pas de l'humour travaillé, en fait, tu vois. Ouais, l'humour de Buffy, il est fin. Tu vois, il y a un truc charme, c'est des petites blagues par-ci par-là. C'est plus des situations qui vont être rigolotes, quoi. Et donc Prue, donc déjà mais fou dehors le journaliste nul là, et elle élabore un plan pour pouvoir se libérer de cet empêcheur de tourner en rond, hein, comme on dirait, si on avait 60 ans. voilà, elle donne le plan. Voilà, ça nous rappelle que c'est Prue la chef. Attends, Prue c'est Buffy quoi. C'est elle qui décide, c'est elle la grande. Ouais. C'est elle. Les deux sœurs se reposent sur ses décisions. Ah bah c'est toujours la grande sœur qui décide. Et là elle fait un truc un peu marrant pour faire. Elle fait diversion pour que ses sœurs puissent se barrer de la maison. Elles disent quand même au revoir. Au revoir. Mais c'est surtout, elles ont des pouvoirs de dingue et les gars, elles peuvent s'en débarrasser. Mais le but, c'est qu'ils voient pas. Mais les alors, pouvoirs, elles peuvent le faire sans qu'ils voient. Enfin, elle le fait, rien, justement. Elle envoie. Elle le fait. Elle envoie la truelle, enfin le petit. Tournevis pour planter son. Oh, regardez, vous avez fait ça. Elle est pas débile, Pou. Elle sait bien qu'il faut pas qu'il voie directement ses pouvoirs. Elle trouve un autre. Bah non, elle a vu que quelque chose avait. Mais il a pas vu Prou le faire. Ok, non, mais c'est bien que tu défendes la série. Et je te trouve un poil mauvaise langue quand même. Oui, c'est exprès. Très légèrement. Pendant ce temps, Piper et Phoebe pénètrent dans les égouttes. Les égouttes. Les égouttes. Parce que j'ai écrit égouttes, il y a une faute de frappe sur mon conducteur. Pénètrent dans les égouts et elles descendent dans les enfers pour sauver les enfants. Donc, ça, c'est pareil, ça c'est intéressant comme mise en scène. Classique. Et il y a une nouvelle réplique sympa qu'on aimerait bien voir plus souvent. I'm not wearing the right shoes for this. Je ne porte pas les bonnes chaussures pour ça. Voilà, ça c'est aussi ce qu'on aime bien. On voit beaucoup dans Buffy. C'est ce décalage entre des jeunes femmes qui font attention à leurs apparences et des situations extrêmement hors normes. Hors normes et glauques et tristes et fantastiques, tout ça. Voilà, c'est typiquement le genre de réplique qu'on aurait pu avoir dans Buffy. J'ai pas les bonnes chaussures pour ça. Donc on aime bien. Et alors là, il se passe un truc génial. Donc là, il y a une scène entre le flic qui va voir Brent parce qu'il mène sa propre enquête. Et alors, je sais pas si c'est fait exprès, mais si c'est fait exprès, c'est du génie. Sinon, c'est juste un coup de bol. Cette scène, donc le flic qui interroge Brent, est filmée dans un autre axe. Quand c'est Phoebe qui a interrogé Brent, c'était filmé dans un axe où on voyait pas la fenêtre. Et là, c'est le flic. Et là, on voit la fenêtre. Donc, comme si on voulait changer de point de vue, parce que c'est le flic qui fait sa propre enquête au sujet de la même histoire, la disparition des enfants. Et il fait son enquête à sa façon. Donc, c'est pour ça que. C'est pensé, hein. On a dit que c'était un réal, bon, c'était ses débuts là, mais c'est ce qu'il fait. Peut-être qu'il a une idée de mise en scène, quoi. Ça peut arriver. Pendant ce temps, les Grimlots, ils mangent des brochettes de rats, hein. Je sais pas si vous avez vu, c'est dégueulasse. Et Piper, elle s'est cassée la margoulette. C'est ça. Et sa sœur met une planche par-dessus. Mais pour pas que les Grimlots. Ils capturent les enfants, les Grimlots. Ou alors pour éviter que d'autres personnes tombent dans ce truc. Priorité au direct, c'est une scène géniale. Oh, on peut pas terminer nos phrases. Tu l'as fermé à la table tout à l'heure. Non, mais là, c'est une scène géniale quand même. Prue est en train de faire une potion magique dans sa cuisine. Oui, dans une casserole. Dans une grosse casserole qui n'est pas un chaudron. Non, mais ça, c'est super. Parce que là, pareil, on nous prend les codes de la sorcellerie avec une sorcière qui prépare une potion et tout. Mais c'est dans sa cuisine. On nous modernise ça, donc c'est une jeune femme en débardeur qui nous fait ça dans une cuisine équipée américaine, tout ça, avec des grosses casseroles et tout. Et elle dit I should be cackling. Attends, j'ai noté la. la phrase qu'elle dit, en gros, ah, je devrais être je devrais être en train de rigoler de manière machiavélique, hein, comme si j'étais une vieille sorcière des fictions qu'on connaît, des histoires d'antan. Après, ça s'est piqué. Alors, je sais pas si c'est piqué, mais dans Sabrina, l'apprentie sorcière, avec ses deux tantes, il y avait des scènes comme ça tout le temps. Sabrina, est arrivée après Charmed. Hein. Ah ouais. Oui. C'est plus récent. Sabrina, c'est un comics des années. Mmh. Mais je crois que tu parlais de la série, pardon. Oui, je parlais de la série qu'on a connue quand on était jeune avec le chat qui parle. Oui, la série est arrivée un peu après, ouais. Là, c'est super aussi parce que le journaliste relou qui filme en gros plan Prue pour attendre le scoop et tout. Là, pareil, on a complètement la critique des paparazzi des années 90. Qui, je vous dis, qui suivait, on se rappelle tout de ça, de Britney, de toutes ces femmes vedettes qui se faisaient suivre jour et nuit par des paparazzi en attendant un faux pas ou une déclaration, un énervement. Et évidemment, tu te fais poursuivre par 30 mecs en permanence et là, tu finis par t'énerver. Et donc là, t'es exactement ça, ce que fait ce journaliste salopard qu'on déteste. Hein, lourdingue. Très lourdingue. Il est pire que les pédos. Ça, c'est bien vu. Et ça, c'est pas facile. Tu vas trop loin. Mais non, mais en vrai, si tu regardes l'épisode, il a plus de temps d'antenne que les Grimlocks. C'est lui le vrai méchant. Plus dangereux là. Que les Grimlocks. Il est pas plus dangereux, c'est pareil. Non, mais il est. C'est des sorciers. Il est menaçant pour les personnages principaux. Alors il est que. Plus développé que les méchants. Les Grimlocks sont pas menaçants pour elles, ils sont menaçants pour les enfants. Qu'est-ce qu'ils font? Oh là là, oui. Et Piper, elle a l'aura dorée, forcément. Parce que c'est une force du bien. Elle a peur des rats. Et là, elle commence à apprivoiser sa nouvelle façon de se servir de son pouvoir. Parce que c'est pas ça d'habitude. Prue a balancé un tuyau à la tête d'un gars. Première fois qu'elle fait ça. Sauf que c'était filmé comme un cochon. C'était mou. C'est dommage. C'est la première fois qu'elle le fait, donc il savait pas trop comment le mettre en scène. D'habitude, elle utilise pas ses mains pour utiliser ses pouvoirs. Ça n'empêche pas de faire une bonne mise en scène. Ah, mais non, mais ça, je suis d'accord. Mais elles sont jamais bien mises en scène, les scènes d'action. Merde, c'est pas bon. C'est pas Andy arrive sur les lieux du drame, bien sûr, il est toujours là. Le journaliste, c'est un mec dans le métro. Est-ce que c'est vrai, au projet Blair Witch, ce plan là où le journaliste se filme Là, c'est moi qui ai enquêté. Projet Blair Witch est sorti 6 mois avant le tournage de cet épisode. Enfin, non, 6 mois avant la diffusion de cet épisode, quelques mois avant le tournage de cet épisode. Et donc, effectivement. On peut supputer que puis ça avait fait un barouf pas possible quand Blair Witch avait été diffusé projeté au festival Sundance, donc on peut imaginer que ce réalisateur avait entendu parler de ce film très probable ou même l'avait vu, on ne sait pas. Donc oui, parce qu'il y a une scène avec pareil ce fan footage, le journaliste qui est dans les égouts et qui tombe en gros plan, il y a un jumpscare sur le gros pédo qui va évidemment le tuer, et ça fait peur, hein. Ouais, mais ça fait peur, mais une nouvelle incohérence, parce que les gros pédos, ils tuent, soit ils rendent aveugles des enfants, soit ils tuent des gens qui ont une bonne aura. Le journaliste, il est ni l'un ni l'autre, donc c'est un peu juste, il est là. Il l'a peut-être pas tué en lui enlevant la voix, il lui a peut-être juste brisé la nuque, on sait pas. Ah là, ok, Andy, il a essayé, hein. Bagarre. Et voilà, sauvé par Prue. Et ça y est, la vérité a éclaté. Andy tire avec son pistolet de policier sur le gros pédo. Avec et ça son ne... arme de monsieur. Ouais, ça ne sert à rien. C'est une arme viriliste, là, du gros masculin, ça ne sert à rien. Parce que c'est pas son domaine. Et c'est Prue avec son super pouvoir de femme forte qui écarte le Grimlock. Voilà. Là, on cherchait du discours féministe. On a beaucoup cherché du discours féministe dans cet épisode, dans cette série. Nous l'avons. Enfin, on l'a trouvé. Et il vient de Prue, évidemment. Prue est génial. Ouais, et là c'est la deuxième fois en vrai qu'il apprend son pouvoir, mais cette fois elle va lui permettre de garder ses souvenirs, donc il va avoir un peu plus de temps. La mémoire. La première fois, elle lui a pas effacé, mais il était sous l'emprise d'un sort qui, à la fin de la journée, ou alors elle lui a effacé, je sais plus. Bref, mais là elle va lui laisser le temps de digérer les choses et il va accepter en fait. Il va complètement accepter cette partie d'elle. Et elle arrive à le convaincre je suis plus fort que toi, je suis plus forte que toi, écoute-moi, dégage, je gère l'histoire. Oui. Et ça, c'est cool qu'il accepte de se barrer. Il questionne pas trop le truc, mais à la fin, il arrêtera, enfin, il écoutera pas pour le coup, parce qu'il saura que s'il est pas là, elle risque de mourir. Donc voilà. J'adore la cassette. La cassette était sortie, évidemment, de la caméra pour qu'elle puisse la récupérer. Scène rigolote. Oui, c'est marrant. Là, c'est du Buffy. J'adore. Elle tombe nez à nez, les deux sœurs tombent nez à nez avec le Grimlock. Elle sursaute de peur. Le meurtre dans la panique. Elles ont même pas compris ce qu'elle faisait, je pense. Mais c'est Roger Rabbit là. Ouais, c'est génial. C'est très drôle. Et très efficace. Elles sont super. Là, c'est typiquement une scène où Eric Zander et Buffy ouais. et Willow. Oui, complètement. Qui tue un monstre. Complètement. Ouais. Et les Grimlocks, oui, ils vont revenir deux fois dans la série. C'est d'autres Grimlocks ou c'est les mêmes? C'est les mêmes. Et on ne sait pas pourquoi c'est eux. Il y a un autre démon qui revient plusieurs fois. Ah, mais là, on les a vus fondre. Bah ouais, mais ils reviennent. Alors, ils reviennent le jour de la Toussaint parce qu'a priori, c'est un jour où les démons ont une chance de revenir sur Terre. Pareil, ça ne sera jamais réexploité, je crois, dans un épisode. Et ils reviennent à un autre moment plus tard. Et pourquoi eux? Franchement, je ne sais pas. Il y a un autre démon qui revient plus souvent. C'est des méchants très charismatiques, peut-être. Ben non, le démon qui revient plus souvent, c'est un démon de la peur. Donc en fait, il confronte les sœurs à leur peur régulièrement. C'est intéressant qu'ils soient là. Mais eux, là, les gros pédos, là, pourquoi ils reviennent trois fois? C'est la bagarre, la bagarre. Ah, et Prou arrive à lancer le liquide qui était par terre. Et par ouais. son pouvoir de télékinésie, exactement. Elle arrive à le lancer. Sur la tête, et ça fait mal, hein, ça se voit. Et alors, moi j'ai lu un truc super sur internet, c'est qu'avant cet épisode, elle utilisait son pouvoir en fronçant les sourcils. En fronçant les yeux, ouais. Et en plissant les yeux. Cinématographique peut-être. Non, apparemment, elle en a eu marre parce que ça lui donnait des mal de crâne, des migraines, de froncer les sourcils à l'image. Ah ouais. Et donc, elle a demandé à changer de geste pour utiliser après, son pouvoir. Après, ça va. De... C'est aller. C'est rigolo. Ce qui est bien, c'est que ça va dans la logique du truc où ils mettent. Leur pouvoir évolue petit à petit, de plus en plus puissant. Elles découvrent des nouvelles capacités. Et en fait, le fait de faire bouger les choses avec les mains, elle le fait déjà une fois. En fait, sans s'en rendre compte, plus tôt dans la série. Donc, c'est quelque chose qui existe. Et juste, Mais donc, ça vient quand même du choix de la comédienne et pas des scénaristes qui n'avaient pas eu l'idée de faire évoluer les pouvoirs. Si, parce que c'est évoqué très vite que les pouvoirs vont évoluer avec le temps. C'est dit dès le début. Oui. C'est donc un sujet. On critique, mais on ne connaît pas finalement. Ben voilà. N'écoutez pas ce podcast. Tu fais du mansplaining. Hein. J'allais le dire, exactement. Je suis du fan de Buffy Splaining. Critique la série. Du Buffy Splaining, c'est presque pire. Hein. Donc les enfants ont été sauvés. Hourra, on est content. Hourra! On est maintenant au commissariat. Il y a le petit. Alors comment il s'appelle? C'est Daryl. Daryl, ouais. Daryl Morris. Qui est un peu suspicieux quand même. Il dit à Andy, mon coco, là, l'histoire que tu m'as racontée. C'est du bullshit. Moi, je te crois pas. C'est hein. clair, à mon avis. Il y a Andy Sourosh. Nouvelle expression. Bah oui. Bah oui, parce qu'il y a Andy qui veut protéger Prou. Mais en même temps, Daryl, c'est son. Oh là là, je vais même pas finir tellement elle était bonne. Je peux rien dire, quoi. Mais okay, priorité aux romances, rappelez-vous, évidemment. On est dans un soap opéra. Oui. Donc Merci. Il faut avoir de la romance. Donc Phoebe va avoir une ultime scène avec Brent, où Brent a retrouvé la vue, et pareil, il va y avoir un petit jeu de regard, un petit c'est sympa ce qui se passe entre nous. Enfin voilà, on est complètement dans le truc mièvre de la romance. Et Prou, elle. Je crois aussi qu'elle a une dernière scène avec Andy, non je sais plus. On finit sur la romance, toujours, rappelez-vous, c'est ça le plus important dans cette série. Mmh. Et pas du tout le fait. La première fois qu'elle fait bouger un truc, Sam, c'est même pas ça, c'est qu'elle fait mine d'étrangler quelqu'un avec ses mains, son patron qui la saoule, et sa cravate se resserre autour de son cou. Mais elle le sait pas qu'elle l'a fait en fait. Ah, elle fait coucou, ah, elle se rend compte qu'il est aveugle. Ça, c'est plutôt marrant, mais il n'est plus aveugle puisque les Grimlock sont partis. C'est beau, mais il a l'habitude des lunettes donc. Et voilà, regardez, j'ai des beaux yeux bleus. Et hop, ah oui, sympa. Là, c'est terrible parce qu'on revient en fait après tout ça, on revient sur le love interest. C'est ça vraiment l'enjeu principal, c'est fou. Bah oui, parce que c'est ça le plus important. Alors, mais moi, parce que vu que ça a l'air très important dans la série. Est-ce qu'elles vont finir par trouver l'amour, ces trois braves femmes? Bien sûr. Bah, Prou, non. Parce que Andy meurt à la fin. En fait, le grand amour de Prou, c'est Andy. Et il meurt à la fin de la saison 1. Donc, les deux autres saisons où elle reste, c'est pas du tout un sujet pour elle. Elle a des dates à droite à gauche, mais c'est pas du tout son but de trouver l'amour. Alors c'est de protéger sa autres, famille oui. et tout. Phoebe, ben, c'est pas un but pour Phoebe, mais elle va rencontrer Cole et ça va devenir une intrigue. Oui, c'est central. Central dans la série. Par contre, Piper, c'est clairement son but. Et elle, c'est parce que son but, c'est de se marier, avoir des enfants. En plus, quoi. Il compare, parce que donc Léo, c'est un ange. C'est ça. Et Léo, et Cole, c'est un démon. Donc il y a tout ce parallèle qui est fait. Ouais. Et ici, je vous ai dit, il y a une scène entre Andy et Prou à la fin. Bah ouais. Voilà, on finit sur ça. Ah, tu l'as pas écrit en Ouais, mais parce que là, c'est normal. Je suis basé que sur ce que t'as écrit. Ça, c'est une intrigue importante dans la saison, leur histoire. Et pas forcément en tant qu'histoire d'amour, mais en tant qu'histoire de confiance, quoi. Tu vois. Ouais. Donc là, c'est normal qu'il conclue là-dessus pour le coup. Et c'est la fin de l'épisode. C'est passé vite quand même. Bah oui. Je sais pas pourquoi je m'énerve. Tu sembles tendu, Valérie. Ouais, je suis c'est tellement charmant. Tendu. Je suis fan, quoi. On a tenu jusque-là, c'est beau. Il y avait des choses à dire. Il y avait des choses à dire. Le chat était très réactif. Il y a Sam qui connaît très bien la série sur ce chat. Figurez-vous, il y a même des choses qu'on n'a pas dit. Bah oui, parce que vous ne suivez pas le direct, c'est... messieurs. Alors. C'est pour ça qu'il y a une meilleure rubrique. Moi, je vous propose de passer à la conclusion. Hein, et attention. Comme ça, on va pouvoir dire. Toutes les choses extraordinaires. Tout quoi qu'on n'a pas dit. qu'on n'a pas dit pendant l'épisode, c'est tout de suite maintenant l'heure de la conclusion. Oh my god. It's a sombrero. And it's on your head. Can you believe the Watchers Council let this guy go? Hey, did everybody see that guy just turn to dust? What kind of a monster is he? Crazy freak, vapid whore. Everybody, Giles has a TV. He's shallow like us. Donc oui, conclusion. Qu'est-ce que vous allez dire, Riley? Je vous écoute. Vous avez quoi oh à non, dire? Non, pourquoi moi en premier? Bah, tu t'abuses. Eh ben, je n'ai jamais aimé cette série. Déjà à l'époque, j'aimais pas. Je regardais juste pour les jolies filles, donc c'est pas ouf. Ah non, c'est pas ouf ça. On te juge. Et je regardais aussi pour attendre Buffy, évidemment, qui passait juste après sur M6. En plus, en particulier, alors peut-être il y a des bons moments dans Charm, mais les personnages sont plutôt intéressants. Mais c'est juste que là, en plus, cet épisode vraiment, je l'ai trouvé pas intéressant, mal écrit. Il est pas ouf l'épisode. Non. C'est laborieux, on comprend pas vraiment. Il y a pas de thématique comme tu disais, Sartman. Voilà, mon plan préféré c'était le chat dans le générique. Ça j'ai adoré. si j'avais noté quand même, si, bah, on l'a dit, la meilleure scène. Ah si, on peut revenir sur la scène des rats. Moi j'ai trouvé incohérent et toi malheureusement tu disais que non, mais c'est que c'est des super sorcières machin, mais le premier rat venu leur fait peur. Mais oui, mais tu peux avoir sur les phobies, ouais. Tu peux avoir une phobie, peur, les rats. En fait. Oui, certainement, enfin, après les clairons, tu peux avoir une phobie, même si t'es... Je trouve c'est juste ça hyper misogyne, en fait. Genre, évidemment, deux femmes, elles ont peur d'un rat. C'est plus ouais, ça, bah, le problème. Coup, tu vois. Mais le fait que ce soit des sorcières qui ont peur d'un rat, ça me choque pas. C'est juste... ça reste des personnes normales, tu vois. Tu peux être un flic qui combat des tueurs en série et avoir une phobie des araignées, tu vois. Ouais, mais je sais pas, ça fait voir, c'est juste lourdingue dans l'épisode. Peut-être. En fait, tout simplement, ça pourrait est-ce que t'as être des phobies? Marrant. T'as des phobies, toi? Les requins. Eh ben, regarde. Voilà. Imagine si tu tombes sur un requin dans les égouts. Tu serais tombé dans les égouts. Déjà, pareil, tu te dis, what the fuck. Non, mais en fait, c'est parce que je suis obligé de comparer à Indiana Jones et la dernière croisade, mais il y a une sorte de. Dans Indiana Jones, on te fait monter la pression, entre guillemets, sur le personnage du père. Qui est un génie, qui a tout vu, archéologue de génie, et non, et là quand Indy dit non, et les rats, il aurait jamais pu il passer a une les faiblesse, rats, ouais. Qui a une faiblesse, qui est. Oui, que là, alors que là c'est un gag, c'est et pas. Et là c'est juste un gag, et alors que quand même, enfin, je trouve que c'est juste mal écrit en fait. Et oui, c'est un des nombreux exemples de cet épisode, malheureusement. C'est plus ça le problème, mais ouais, que ce soit des sorcières qui ont peur d'un rat, je trouve pas ça spécialement choquant, tu vois. Bah, en plus, si les sorcières dans Buffy, elles utilisent des rats, en plus, c'est plutôt un animal. Bah, c'est peut-être ça qu'ils ont voulu dire en fait. Sorcières. En fait, c'est des sorcières modernes, alors du coup, elles utilisent pas des rats, quoi. C'est dans les égouts, les rats, c'est dégueu. Ouais. J'ai aussi pas du tout aimé cette sous-intrigue, le journaliste, là, j'ai trouvé ça. À la limite, ça me prend même plus de place que l'intrigue principale, ce qui est encore un aveu de faiblesse des scénaristes. Moi, au contraire, je trouvais ça intéressant, ce côté. Est-ce qu'on doit s'ouvrir, s'aouter, s'ouvrir au monde ou pas, dire notre secret ou pas. C'est ça. Ça aurait même valu un épisode propre, en fait. Mais il y en aura. Là, c'est une intrigue secondaire. Alors, en fait, du coup, c'est au détriment de l'intrigue sur le journaliste et c'est aussi au détriment de l'intrigue principale avec les monstres. Ouais, mais là, donc, en fait, j'ai fait un choix à un moment donné. Quoi. C'est la première saison, ils ont essayé de mettre des. Ok, bien sûr, c'est la mettre première des saison. C'est pas une excuse, hein, mais ils ont essayé de disséminer des questions partout et la question qui reviendront est-ce plus qu'on tard, se quoi, montre, ouais. c'est une question qui reviendra. Alors, ça sera pas le sujet principal de la série, mais tu vois, comme disait je sais plus qui dans le chat, il y a un épisode dans la saison 2 où elles vont aller, Phoebe va avoir une vision du futur assez violente où elle va se voir brûler sur un bûcher. Et du coup, elles vont aller dans le futur et elles vont se rendre compte que dans ce futur-là, Phoebe a été découverte comme sorcière parce qu'elle a tué un humain pour venger une amie à elle qui l'aurait agressée sexuellement ou je sais plus. Et il y a une question de est-ce que quand t'as un pouvoir comme ça, tu peux te permettre de rendre justice toi-même ou pas ? Et elle va brûler sur le bûcher à ce moment-là, elle va accepter qu'elle aurait pas dû faire ce qu'elle a fait parce que ses pouvoirs lui donnent pas le droit. Oui. Et elles ont été découvertes à ce moment-là et c'est un épisode en plus où elles arrivent pas à la sauver, où vraiment elles doivent accepter que si elles font ça, elle mourra en fait. Ah, mais c'est mieux quand tu racontes, je suis désolé, hein, c'est mieux quand tu racontes que quand on regarde en fait. Mais c'est raconté, c'est l'épisode qu'on voit, ouais, c'est ouais. Tout l'épisode. Tu as des devoirs à faire pour le prochain podcast. Je vais regarder tous les épisodes. Tu dois regarder cet épisode. Non, en et fait, peut-être que ça te plaît. Il y a aussi un truc, un exemple, et pour comparer à Buffy, vraiment sur la paresse d'écriture, c'est. Il y a une réplique qui revient souvent dans la série, dans mes souvenirs, c'est. Il y a la réponse dans le livre. En fait, on parlait de la bibliothèque de Giles et tout, mais dans Buffy, c'est incarné en fait par un personnage qui a la connaissance, qui sait comment chercher. Là, il y a vraiment tout dans ce bouquin. Mais en fait, dans la et série, ça devient un cliché. Enfin, c'est oui, mais exagéré. C'est le livre qui est un personnage dans la série. C'est vraiment un personnage du truc. Il tourne les pages lui-même. J'ai vu ça dans un épisode. Il est central le bouquin dans la série. Oui, c'est pas. De là à tout relier en fait à ce livre, parce que même il y a des épisodes de Buffy où Giles, il sait pas dans les livres non plus. Enfin. Ouais. Bien, bah ouais, mais je trouve que c'est une paresse d'écriture. Fait qu'il y a créé un enjeu autour de ce bouquin et tout ça. Fin. Le chat réclame un épisode dans lequel Mallory expliquerait tous les épisodes de Charmed. C'est pour si vous donnez au Patreon un épisode ASMR qui sera formidable. Effectivement, pour conclure, heureusement que tu étais là, Mallory. Je peux le faire comme ça. Sarkozy et moi, on n'aime pas du tout Charmed. Bah, moi, je suis pas fan de Charmed. Spécialement. Mais j'essaie d'être objective. On fait quand même ce podcast pour la bonne cause. Et moi aussi, j'essaie d'être objectif. Donc, je vais conclure en disant ce que j'ai dit pendant l'épisode, c'est que en fait, il faut arrêter de comparer Buffy et Charmed. Selon moi, ce sont deux produits complètement différents. Je vous l'ai dit, Buffy, c'est une série, c'est un teen drama, avec de l'humour, de la baston, de la romance, plein de trucs. Charmed, c'est un soap opéra, quoi. C'est soap opéra fantastique. C'est un soap opéra, avec dans un contexte fantastique, mais c'est un soap opéra, c'est clair et net, quoi. Quand tu tous vois les codes sont là, comment les épisodes sont construits, comment ils sont montés, la musique réalisée, tout ça, c'est un soap, très clairement. Donc voilà, chacune des deux séries peut avoir son public, et on n'est pas là pour juger de la qualité ou pas, mais c'est deux séries complètement différentes, et donc le projet est complètement différent. Il faut arrêter de les comparer, du coup. Ça n'a rien à voir. Pour moi, Charmed a beaucoup plus. Sam le dit, Sam, mais sauf que Sam, tu fais une soirée Buffy contre Charmed, donc on a. C'est dans l'inconscient collectif. Ces deux séries sont liées. Non mais c'est pour ça. C'est bien grâce à cette, à cette soirée et au fait qu'on fasse ce podcast. Moi j'ai découvert pourquoi effectivement ces deux séries n'avaient rien à voir. Vu que il suffisait de les regarder en fait. Il suffisait de les regarder. Et voilà. Regarder. Voilà, Charmed a beaucoup plus de points communs selon moi avec Beverly Hills ou Melrose Place qu'avec avec Buffy ou avec X-Files. Voilà, ce sont des séries complètement. Non mais oui, ça m'a réagi. Non mais évidemment, c'est logique que t'aies créé la soirée Buffy contre Charmed. C'est parce que c'est indissociable. C'est juste que Sarkozy a raison. Et c'est ce qu'on dit, c'est que finalement, quand tu regardes attentivement, ça n'a rien, absolument rien à voir. Et malheureusement, c'est très aussi dû à la diffusion française. Et voilà, mais même américaine. Ou américaine. C'était sur la même chaîne. Qui diffusait des trucs en même temps et qui était dans un même move et tout. Donc qui était dans un même mouvement et que c'est triste d'associer les deux et. Les deux séries étaient diffusées sur la même chaîne aux États-Unis et en France sur M6, donc effectivement ça a bien pouvait... après l'autre. Ouais. Donc, c'est et puis au même moment, c'était un peu les deux séries phares du moment dans la quand elles passaient toutes les deux dans la trilogie, c'était les deux séries phares, donc c'est normal qu'elles soient associées dans l'inconscient des gens. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter en conclusion, Mallory? Ouais. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Lance ta conclusion de 3 heures. Ouais, non, elle va pas durer 3 heures, mais ouais, franchement, je crois que cet épisode est pas bien. Il est vraiment pas intéressant. Mais la série est bien, c'est ça que tu veux dire? Non, la série est pas très bien non plus, en vrai. Moi, je suis... Alors, contrairement à ce qu'on veut essayer de dire, je suis pas une fan de Charmed. J'ai beaucoup aimé Charmed, par contre, à une époque. C'est pas une série qui est très bien écrite, en fait. Mais cet épisode en particulier est vraiment pas très bien écrit. Moi, je trouve juste que le seul point fort que je vois dans la série, c'est vraiment les personnages des trois sœurs, en fait, que je trouve bien personnifiés. Et que je trouve bien interprétée, même en vrai, Holly Marie Combs, comme tu disais, Sam, moi je trouve pas qu'elle soit mauvaise. Il y a vraiment des épisodes où elle joue très très bien, mais je trouve que le seul point fort de la série, c'est vraiment ça. Moi je trouve hyper intéressant la manière dont ils ont construit leur pouvoir, que je trouve construite un peu de la même manière qu'on construit des pouvoirs dans un jeu de rôle ou dans un jeu vidéo. Parce qu'elles ont toutes les trois des pouvoirs qui sont propres à leur personnage. Genre Phoebe, elle est très connectée à ses sentiments, elle sent les choses, donc elle va avoir des visions du passé et du futur. Quand les pouvoirs vont évoluer, elle va se mettre à ressentir les sentiments des gens. Elle va être capable de ressentir ce qui se passe dans ses visions. Plus, elle va prendre des niveaux, quoi, comme c'est dans ça. Des Donjons et Dragons. Exactement. Quoi, et niveaux. Puis des niveaux qui sont en lien avec ses capacités. Du départ, Plus, elle va pouvoir bouger des choses de plus en plus grosses. Elle va avoir le pouvoir, au final, de projeter son propre corps en projection astrale. Oh la vache. Donc, en fait, avec son esprit, elle va pouvoir elle-même se projeter plus loin. Et Piper... elle fige le temps, donc en fait c'est quelqu'un qui est hyper calme, qui est hyper posé, et juste avant la mort de Plou, elle va se mettre à pouvoir faire exploser les choses, donc en fait elle va gagner un pouvoir actif alors qu'elle avait un pouvoir défensif, parce qu'elle prend le rôle de la grande sœur en fait, et elle va pouvoir faire exploser des choses, donc Et la quatrième frangine qui arrive après, c'est quoi son pouvoir? Elle a un peu le même pouvoir que Plou, c'est qu'elle fait bouger les choses par la pensée, mais elle appelle les choses et elle se matérialise dans sa main, en gros, parce que c'est un mélange entre une sorcière et un être de lumière. Ouh, okay. C'est un peu, bon, c'est pas très poussé, parce qu'en fait, elle a le même pouvoir que Plou. Ah, ok. Plus ou moins, c'est juste que Plou, il était plus actif, genre, elle faisait bouger directement, et elle, elle les appelle et ça bouge. Surtout qu'ils ont dû l'improviser, j'imagine, avec le départ pense, de la ouais. comédienne. Hein. Bah, je pense qu'ils savaient depuis un moment, parce que le fait que Piper développe un pouvoir actif et d'attaque, c'était à mon avis pour compenser le fait que Plou allait partir et qu'il pouvait pas continuer la série avec une grande sœur qui fait que figer le temps et qui a rien pour faire du mal, entre guillemets, tu vois. Donc je pense qu'ils savaient, mais c'est hyper tiré par les cheveux. Tu vois, la manière dont ils ont amené Dawn dans Buffy est incroyable. Alors, elle est hyper fine. Dans Charmed, bah, en fait, on apprend du jour au lendemain qu'ils ont une demi-sœur parce que leur mère a eu une fille avec un amant qu'on connaît, pour le coup, qu'on a déjà vu avant. Donc, c'est pas un personnage qui sort de nulle part, heureusement. Mais c'est un peu tiré par le cheveu parce qu'on parle du fait que c'est trois sœurs. Donc, leur pouvoir, il tourne autour du fait qu'elles soient trois sœurs. Donc, quand il y a une qui meurt, il ne peut plus y avoir de série. Du coup, on invente une demi-sœur, mais ça reste une demi-sœur. C'est pas une sœur à 100%. Enfin, bon, c'est un peu... C'est pas très bien amené. Mais je trouve le personnage de Paige attachant, mais c'est pas hyper, hyper bien amené, quoi. D'accord. Par okay. contre, la Rhea, dans la série, elle est nulle. Ok, ouais. Elle est toujours nulle, ouais, je trouve. Vu, ouais, ouais. Et l'écriture aussi. Et ce que je trouve bien aussi, c'est tout ce qui est visuel, un peu côté sorcellerie New Age, qui marche plutôt bien, je trouve. Mais sinon, en soi, c'est pas... En fait, ce qu'on aime dans la série, c'est un peu comment dire... La thématique, l'idée en fait de moderniser, on va en parler après parce qu'on a prévu de vous parler de plein d'œuvres qui mettent en avant les sorcières aujourd'hui. Et effectivement, c'est une super idée de parler du pouvoir féminin en passant par les sorcières, des sorcières, de moderniser le mythe de la sorcière. C'est une trop bonne idée. Bah ouais. Sauf qu'ici, ça a été fait de manière plus que maladroite, ouais. On peut dire. Oui, et puis on le sait que dans les dernières saisons, vraiment, les salles d'écriture, c'était limite comment on va pouvoir les déshabiller le plus possible. Quoi. Enfin, d'accord. Ok, est-ce qu'on a tout dit pour cette conclusion? Ouais. Est-ce qu'on est bon? Bah, on peut dire que Buffy, c'est quand même vachement mieux. C'est sûr. C'est une super conclusion. C'est mieux. Alors, c'est ça, donc ce podcast est terminé, mais voilà, comme je l'ai dit, on aimerait bien parce que oui, ça nous a donné l'eau à la bouche cet épisode de Charmed. On s'est dit ah les sorcières, c'est quand même un super sujet. Super sujet. On aimerait bien. Avoir des œuvres qui parlent de sorcières correctement, enfin un peu mieux et tout. Et je me suis rappelé notamment qu'on avait déjà parlé des sorcières dans ce podcast. Riley, tu t'en rappelles ? Et oui, bah c'était quand on a commenté, c'était The Witch. Non, c'était Gingerbread. Ah oui, sur l'épisode sur les sorcières de Buffy saison 3. Épisode donc qui parle de la chasse aux sorcières dans la saison 3. Ouais, tout à fait. Et on avait même fait un dossier, je n'avais aucun souvenir de ce, sur les films et un peu des séries qui parlent de sorcières, la chasse aux sorcières. Donc on vous renvoie à ce dossier hein, qui vaut ce qu'il vaut hein. Il date de 2015 comme j'ai dit, j'ai aucun souvenir de ce dossier. Je sais pas si tout est correct ce qui a été dit là-dedans, mais qui fait la liste de quelques œuvres sympathiques parlant des sorcières. Donc on vous mettra le lien dans la description de ce podcast. Et vous, est-ce que vous aviez d'autres œuvres dont vous vouliez parler à nos auditeurs et nos auditrices qui pouvaient permettre de mettre en avant cette figure de la sorcière de manière un peu plus sympathique que juste pour leur trouver des Jules comme dans Charmed? Oui. Il y a sympathique ou pas, d'ailleurs ça dépend du point de vue. Il y a l'excellent film The Witch de Robert Egger, donc excellent, et il y a un excellent film de Dario Argento, Suspiria. Ah, le remake est très cool d'ailleurs de Suspiria. Alors il est pas à la hauteur de Suspiria, mais il y a vraiment des scènes très très sympas. Mallory, il y a 50 pages de suggestions. J'en ai 4. Voilà, suggestions. J'en ai 4 et moi je vais plutôt parler de livres et de musique. Parce que Riley a parlé quand même des deux films que je trouve vraiment les mieux. Moi, je m'intéresse beaucoup à l'histoire des sorcières, mais l'histoire réelle des femmes qu'on a accusées de sorcellerie. Et quand on s'intéresse à ça, il y a deux livres que je trouve super. Le premier s'appelle Le Grand Livre des Guérisseuses de Clara Lemonnier, qui va revenir sur toute l'histoire de l'image des femmes guérisseuses, en fait, qui s'occupaient de leur famille, qui s'occupaient du village, avec leur savoir qui était transmis de mère en fille. Et le deuxième bouquin s'appelle « Sorcières, sages-femmes et infirmières, une histoire des femmes soignantes » de, je vais écorcher son nom, mais Barbara Ehrenreich et Deirdre English. Deirdre English, qui va parler, pareil, de comment en fait les femmes ont été évincées du milieu médical quand, quand ce milieu a été pris un peu par les hommes de la science, parce qu'à la base, c'est vrai que ce qu'on appelait les sorcières, c'était des femmes qui soignaient les autres grâce beaucoup aux plantes, grâce à des savoirs naturels. Ça, c'est des bouquins hyper intéressants. Et j'avais envie de parler de deux musiques, de deux artistes que j'adore. La première, c'est la chanson Rhiannon de Fleetwood Mac, qui a été écrite et interprétée par Stevie Nicks, qui parle de Rhiannon, qui est une sorcière, une déesse sorcière galloise, et qu'elle a écrit sans savoir que c'était une déesse sorcière galloise, mais qui parle quand même d'une sorcière galloise, ce qui est assez fou. Et la deuxième, c'est Waking the Witch de Kate Bush, qui se trouve sur l'album Hounds of Love, la phase B, qui est un putain de chef-d'œuvre, cet album. Vraiment, il est incroyable, cette chanson Waking the Witch. Il y a des incantations d'exorcisme dedans, enfin, incroyable. Donc, je vous conseille ces deux chansons sur le thème de la sorcellerie. Bah, c'est super, on ira écouter ça, de ouf. Et c'est marrant, les bouquins que tu as évoqués sur l'histoire des sorcières. Moi, il y a quelques jours, je suis tombé sur des numéros de l'émission de radio de France Culture, Le Cours de l'Histoire. Je sais pas si vous connaissez Le Cours de l'Histoire, c'est l'émission quotidienne de France Culture qui parle d'histoire, tout simplement. Donc, une émission très sérieuse qui invite que des historiens et tout, historiens et historiennes. Et là, il y a quelques semaines, ils ont fait quatre émissions sur l'histoire des sorcières. Et c'était passionnant, du coup, d'avoir cette histoire, mais du point de vue des historiens, vraiment, et qui t'expliquent des choses qu'on ne savait pas, ou qu'on savait, enfin, que la magie ou la sorcellerie a toujours existé, mais c'est à partir du moment où il y a eu une montée en puissance de la religion, qui, du coup, a voulu contrôler, comme tu dis, le côté soignant et le côté sage-femme des femmes, et donc ils ont voulu criminaliser toutes ces activités qui étaient faites par des femmes et parfois même des hommes depuis des centaines d'années. Si l'histoire, la vraie histoire des sorcières vous intéresse, ces émissions de radio qui sont disponibles en podcast, donc dans le cours de l'histoire sur les sorcières, sont disponibles. Et moi aussi, je voulais parler de livres parce que les sorcières, c'est quelque chose de très. Vivant encore aujourd'hui, qui est utilisé par plein d'autrices pour parler de cette révolution féministe qu'on est en train de vivre depuis quelques années. Le livre le plus connu dans cette mouvance, c'est le livre de Mona Cholet. Sorcière, la puissance invaincue des femmes. Ça c'est vraiment le pilier de toute cette réflexion. Pardon, excuse-moi. Je parle de Mona Cholet, c'est important quand même. Oui, elle disait qu'elle aimait pas le bouquin, mais elle veut pas le dire au micro du coup. Si, je veux bien, je vais laisser parler. Alors, peut-être que tu vas me rejoindre parce que moi je voulais dire que ce bouquin est super intéressant pour faire la passerelle entre l'image de la sorcière et le mouvement féministe d'aujourd'hui. Par contre, effectivement, on n'est pas dans un bouquin d'histoire. C'est un bouquin qui parle même très peu des sorcières et de l'histoire des sorcières. C'est un essai plus sur le féminisme le titre sorcières. Le titre du coup sorcière, c'est il est un peu provocateur ou c'est pourquoi moi ce que j'ai envie de penser c'est il faut se réapproprier ce mot, ce mot qui, comme on l'a vu quand on a parlé de la série là de Charmed, ce mot qui peut être vu comme négatif en fait, t'es une sorcière, t'es une mauvaise personne, en fait c'est aussi moyen, on l'a vu, il y a plein de dans les dernières manifestations féministes ou des journées de la femme, tout ça qui ont été faites, parfois il y a des pancartes ou des mouvements witch, il y a le mouvement witch qui a eu il y a quelques années aux États-Unis. Enfin voilà, et moi je trouve que c'est une manière de se réapproprier ce mot pour dire les femmes ont de la puissance, et c'est juste ça pour moi. C'est un peu un prétexte, mais le terme de sorcière, c'est un terme qui a été vachement repris par le mouvement féministe parce que les sorcières, c'était ces femmes qui étaient marginalisées parce qu'elles rentraient pas dans les codes. C'était souvent des vieilles femmes célibataires qui vivaient recluses. Et ça, c'est quelque chose pour l'Église qui était juste inadmissible, de laisser des femmes faire ce qu'elles veulent, en fait, dans les bois. Et c'est pour ça que le mouvement féministe... et c'était des femmes qui étaient puissantes, qui avaient des connaissances et dont les hommes avaient peur. Du coup, c'est l'imagerie de la sorcière, elle a beaucoup été reprise par les féministes. C'est pour ça qu'on entend de plus en plus parler de sorcellerie ces derniers temps à travers les bouquins. Et c'est hyper intéressant, cette réappropriation du mot, parce que là où avant on montrait les sorcières avec des vilains nécrochus qui volaient sur leur balai, c'est ce qu'ils ont essayé de déconstruire dans Charmed, mais qui n'a pas été très bien fait, c'est de montrer que la sorcière, en fait, c'était une femme indépendante qui avait des connaissances médicale, qui répondait pas aux normes de la société. Et aujourd'hui, c'est un peu ça que les femmes dans le féminisme ont envie de, bah, de montrer au monde, quoi. Ouais, ouais, voilà. Et donc, dans cette même mouvance, j'ai envie de citer aussi Chloé Delhomme, l'autrice bien connue. Fan de Buffy, qui a écrit un bouquin sur Buffy, carrément. Qui a écrit plusieurs livres qui parlent de sorcières et qui est même un peu sorcière. Hein. Mais on peut citer Sorcières de la République, hein, qui est son bouquin le plus connu sur les sorcières, où elle imagine carrément des sorcières qui se mettent à diriger la France. Enfin, c'est formidable. Déjà le cas. Non, ça c'est. C'est des connards, mais c'est sorciers. C'est beaucoup mieux dans les Sorcières de la République. Mais bien chères sœurs aussi. Alors, donc là, on est plus sur le côté discours féministe et tout. Et dans, si on veut un bouquin plus. Donc toujours chez Chloé Delhomme. Si on veut un roman plus. Comment dire. Conventionnel ou facile à lire. Il y a un de ses derniers livres, enfin, il y a quelques années déjà, qui s'appelle Le Cœur Synthétique, qui est une histoire très très facile à lire et très très sympathique, dans lequel il y a un peu de sorcellerie aussi, et qui est très très drôle et qui est très très bien écrit, comme tout ce que fait Chloé Delhomme. Ah si, je repense à la dernière chose, si vous aimez la bande dessinée, il y a un comic qui s'appelle Witches, avec un Y, écrit par Scott Snyder, dessiné par Jock, qui est. Là, l'idée, c'est, donc ça reprend évidemment le thème des sorcières, mais ça te montre le côté horrifique des sorcières, le vrai, à quel point ça peut aller très très loin, à quel point elles sont puissantes, à quel point c'est une vraie figure du cinéma d'horreur ou de l'histoire d'horreur, de l'esthétique horrifique. Génial. Which is, allez-y. Mais ça, de toute façon, dessins de fou. Ouais. C'est démontré même dans Buffy hein, que les sorcières, c'est elles les plus puissantes. Hein. Exactement. On le voit avec Willow. Hein, C'est vrai. La plus puissante. Ouais. Eh ben merci. Alors sur le chat, on nous propose aussi plein d'autres choses. Hein. On nous parle de American Horror Story, de la saison Coven. Elle était sympa cette saison. Il y avait aussi, enfin il y a plein de choses. N'hésitez pas dans les commentaires à nous proposer aussi vous des œuvres qui parlaient correctement des sorcières. On ira voir ça. Et ben c'est le moment de nous quitter. Blair Witch aussi. Si on veut parler de sorcières. Oui. La sorcière de Blair. Qu'on ne voit jamais, mais qui est là, qui fait beaucoup de mal. Là, c'est la version 1.0 de la sorcière. Exactement. Quoi, qui fait très très peur et qui fait très très mal. Merci à vous deux de m'avoir aidé à faire ce podcast sur. C'était un grand plaisir. Charmed. Plus jamais tu nous fais ce coup-là, par contre. Non, puisque les hors-série, c'est normalement. Hors série. Après ça, elle a annoncé une prochaine soirée caritative sur le chat. On n'est pas à l'abri. J'ai peur, on n'est pas à l'abri de faire un podcast sur Dawson. Mais ce qu'on peut vous. C'était Friends. Ce qu'on peut vous garantir. Je connais pas le sujet. Ce qu'on peut vous garantir, c'est que le prochain épisode de ce podcast sera consacré à Buffy. On retrouvera notre rythme habituel avec un épisode de la saison 4. Ce sera de Buffy contre les vampires. Raylette, tu avais quelque chose à ajouter? Ben oui, parce que tu as oublié, Sartman, de dire qu'on était présent sur pourquoibuffy.wordpress.com. Donc pourquoibuffy.wordpress.com, notre site internet. Il faut aussi nous liker sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à mettre des pouces, des commentaires 5 étoiles pour nous soutenir. Et quoi d'autre? Partager l'épisode, ça c'est important. Bah oui, pour les éventuels fans de Charmed qui c'est voudraient vrai, nous écouter critiquer Charmed. Qu'on peut ramener du bon côté de la route pour redécouvrir Buffy. Ce n'est pas perdu. On compte sur vous. On vous embrasse. Merci au chat d'avoir été nombreux et nombreuses malgré cette chaleur et ce samedi après-midi. Des gros bisous. Gros bisous. Des merci gros bisous. D'avoir été présent aujourd'hui. Et à très vite.